Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Dans la suite des programmes, vous entendrez certainement des avis divergents, voire contradictoires. Des partis pris, des points de vue, des ressentis, mais aussi des sondages et des analyses. Sachez que face à cette débauche d'arguments alambiqués, la radio Indestar se décharge de toute responsabilité. Mais vous offre ce moment convivial de direct et de podcast à savourer sans modération jusqu'à 22h. Le débat sur Indestar, à vous les studios. Bienvenue sur Indestar. Le « à vous les studios », ça fait, tu sais... C'est vachement sérieux. Comme à l'époque à la télé, tu sais, « à vous Paris, à vous les On studios ». On air, tu sais, c'est le début. Exactement. Quoi. Exactement. Bonjour Linda. Ça va? Bah écoute, hein, contente d'être avec vous, c'est vraiment... je suis vraiment contente. Bah ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, ça on fait plaisir. On t'attendait et puis voilà. On reprend le débat. Exactement. Ce soir avec vous, il y a André. Yes. Je suis contente de t'avoir aussi Mais ce grave, soir. Grave, je suis grave content d'être là, de et faire bah, ça c'est avec vous. Partagé. Teddy, mon fidèle compagnon. Bonsoir Linda. Ouais, je suis là. Je suis toujours là avec mes boutons. Je peux toujours les prendre et les lancer sur les gens. Ah ouais, c'est vrai que c'était ton truc ça. La réalisation audio qu'il a dû réapprendre, mais ça va, ça lui est revenu assez vite quand même. Ouais, ça va. Je suis un artiste maintenant. On a Théo. Oui, évidemment. Je suis là. Ouais, bonsoir à tous. Bonsoir Linda. Bonsoir Teddy. Oh là, on a Léa avec nous aussi. Coucou. On a aussi du public, on est ravis, on vous remercie d'être avec nous. On a ceux qu'on ne voit pas, parce que évidemment vous êtes sur indestar.fr, mais vous pouvez également nous suivre sur Twitch, hein, ce soir on est en live, et d'ailleurs intervenir sur le chat de Twitch. Et on a deux caméras, mais c'est vrai qu'il y en a une troisième qui n'est pas là, et pourtant il y a du monde derrière le public, à savoir... Ah bah il y a du monde. Oui, alors, on va présenter. Alors. J'ai Patrick, bienvenue Patrick. J'ai Gérard. Okay. Bonsoir Gérard. J'ai une maman, je n'ai plus le prénom. Brigitte. C'est pour ça que j'ai bugué en fait. Juste hein, pour faire un petit point, c'était la présidente d'Instar quand même. Je m'incline, toutes mes excuses. J'ai eu une absence. Mais elle ne le sait pas encore. Mais Brigitte et Vincent aussi qui est là. Vincent. Et oui, Vincent. Ah, je ne la voyais pas, elle était derrière la caméra. Oui, c'est ça. Donc, oui, du public aussi nombreux que fidèles ce soir. Mais nous, on aime que le public participe à cette émission, évidemment. C'est donc, le but d'un débat en vrai. Donc, ce soir, ce sont des animateurs publics. C'est ça. Et on va débattre de sujets très différents, mais qui sont dirigés vers la santé. Ouais, c'est la grande thématique de la soirée. Donc, par exemple, on va parler du fonctionnement du remboursement des soins de sécu et de mutuelle. Et on va faire un comparatif avec les US. Voilà. Ouais. Ah bah c'est facile. Ah bah on en parlera tout à l'heure. Pour le coup, il y a vraiment de systèmes différents, mais ouais. Les US ou le reste du monde. Voilà. On va aussi parler de l'accès aux soins, du diagnostic, c'est dur à dire, et des déserts médicaux en fait. Est-ce qu'on a une facilité à l'accès aux soins ou est-ce qu'il faudrait le réguler? Est-ce que ça vous convient? On et puis en cette parle. Grande question, est-ce qu'il fait chaud dans un désert médical? Ah ça y est, ça commence fort. Ensuite, on va parler de maladies, de handicaps, de différences dans, par exemple, les 10, les HPE, les HPI. Quid de cette prise en charge de ces personnes, en fait? Est-ce qu'il y a une bonne prise en charge? Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez un avis? On va parler de charge mentale, sujet intéressant. Oui. Alors, j'avais au départ un petit peu mené la question sur les femmes, mais visiblement, les hommes ont dit « Mais nous aussi, on a envie d'en parler !» Oui. Donc, on va en parler de façon générale, ouais. Pour que tout le monde soit content. Et d'une manière, alors à la maison et au travail aussi, puisque c'est quelque chose qui se... Alors je vais dire, c'est un mot qu'on emploie souvent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au travail, malheureusement, le fait est qu'on l'emploie un peu trop. Et du coup, ça peut aboutir à un burn-out. Parfois, la charge est tellement forte qu'on est surmené et on est au bout, quoi. Donc on va aussi en parler, ça sera notre dernier sujet. Voilà pour ce soir. Est-ce que ça vous va? Vous êtes partant pour ce débat? Oui, moi, Patrick. Très bien, pas de problème. Un débat sur l'automobile, mais bon, comment on fait? On peut pas faire que ça. Alors les réclamations, ça sera plus tard. Tu pourras appeler la radio si tu veux. Ou je ferai mon émission hors antenne. Voilà. C'est ça, voilà. Pour toi. D'accord, voilà. Très bien. Non mais en tout cas, vous pouvez réagir. Alors vous pouvez réagir non pas par téléphone ce soir, mais sur le chat du Twitch. Vous avez juste à vous connecter. Hein. Vous allez sur Indestar Radio et vous avez le chat qui vous est ouvert. Donc petit message, on les lit en direct. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On se fera un plaisir justement de partager notre avis qui, vous allez le voir, n'est pas forcément le même pour tous puisque c'est un débat. C'est le but de l'émission. Donc il ne faut pas hésiter à donner des avis contradictoires et à nous poser des colles. On aime bien. C'est ça. Donc, moi je vous propose de commencer par écouter de la musique, du coup, parce qu'on est une radio musicale aussi, on fait de la musique. Il paraît. C'est bon pour la santé. Et puis on écoute des titres tout frais, tout neufs en plus. Ah, oui. Génial. Alors là, on va écouter Vidya Vox avec son titre Sundari. Ça sent le soleil alors qu'il a neigé hier quand même. Alors, ouais, justement. En Touraine. Alors, justement. C'est vrai qu'en faisant la playlist, je me suis dit il faudrait ajouter un petit peu de soleil à cette grisaille automnale, voire hivernale. Merci pour ce soleil. Et là, vous allez voir que le titre, il en donne. Ben, allez, on écoute sur Instagram. On est parti. Thank you. débat sur Indestar en direct et en podcast sur indestar.fr et toutes les plateformes d'écoute en ligne. Et oui, vous êtes sur Indestar et François va nous parler du fonctionnement du remboursement de soins. Oui, alors j'ai été un petit peu me renseigner sur notre système de santé français. T'as appelé la Sécu ? Et sachez, non, j'ai pas appelé la Sécu. Il y a pas mal. J'ai pas eu besoin d'aller jusque-là. Ah, tu pouvais essayer. Hein. Quelques mots sur Internet et voilà ce que j'ai trouvé. Est-ce que vous saviez que le système de santé français est un héritage d'après-guerre ? Ah, ouais, non. Ce qui veut dire qu'avant les guerres, il n'existait pas ou il y avait autre chose avant ? Il y avait autre chose, visiblement. Donc le système de santé français, tel que nous le connaissons, s'inscrit dans l'élan de reconstruction sociale et économique en 1945. Okay. En 1945, le système de sécurité sociale est créé en France sous l'impulsion du Conseil national de la Résistance. Son objectif principal étant d'offrir une protection sociale universelle incluant la santé, la retraite et des allocations familiales. Donc chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Cette logique repose sur une solidarité nationale et marque une rupture avec les systèmes antérieurs. Ok. D'accord. Et avec certains systèmes, j'imagine, aussi du reste du monde. Effectivement. Ah ouais. Effectivement, parce que en fait, on a, alors très brièvement là, on a le système, par exemple, américain, qui, vous savez, ne repose pas exactement sur les mêmes bases. Contrairement à la France, les États-Unis n'ont jamais adopté ce système de santé universel. Non. Non, t'es malade, tu payes. Exactement. C'est privé, en fait, c'est un système privé. C'est ça. Oui, en fait, le système est centré surtout sur des assurances privées, souvent fournies par des employeurs, un modèle qui s'est développé durant la Seconde Guerre mondiale comme avantage non fiscalisé pour attirer les travailleurs. T'as Medicare, t'as Medicaid aussi qui existe aux États-Unis. Et effectivement. Donc Medicare, c'est une assurance pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Et Medicaid, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation, c'est un programme pour les personnes à faible revenu. Donc ces programmes, en fait, ils ne couvrent pas l'ensemble de la population et laissent des millions de personnes, effectivement, sans protection. Ouais. Est-ce que vous savez un petit peu comment ça marche, les remboursements en France ? Ouais, 3 mois après. Ah non, c'est pas le fonctionnement. Bah 3 mois, je peux t'assurer qu'il y a certains remboursements, ça met plus de 3 mois. Ouais, oui. Dans le meilleur des cas, c'est 1 mois, c'est bien. C'est déjà pas mal. Très brièvement. Bon, ouais. vous allez voir votre médecin, c'est quoi ? C'est 25€ maintenant ? Ouais, 23, ouais. 25. Bref, on va dire que vous payez pour une consultation 23€. La sécurité sociale rembourse 70% de la base remboursable. Donc ça fait environ 16,10€. Okay. J'ai calculé ça de tête. Oh. Et en fait, c'est pas vrai. De ces 16,10€, alors vous n'êtes pas vraiment remboursé 16,10€, mais vous êtes remboursé 15,10€. Et vous avez 1€ de ce qu'on appelle la participation forfaitaire. Donc, il reste du coup 6,90€ à la charge, à votre charge. Oui. C'est là qu'intervient la mutuelle. Okay. Mutuelle qui n'est pas obligatoire. La mutuelle qui n'est absolument pas obligatoire. Donc, lorsque la Sécu rembourse 70% de cette base remboursable, la mutuelle elle vient compléter pour arriver à un remboursement total minimum de 100%. De ce qu'on appelle de la base remboursable. Par contre, je crois qu'on dit une connerie, c'est pas obligatoire la mutuelle, sauf quand non, tu travailles. Oui, ouais, en fait, t'es obligé c'est de prendre la mutuelle du travail. Aujourd'hui, c'est largement plébiscité. Alors, c'est pas obligatoire, mais disons qu'en fait, quand t'es demandeur d'emploi. Tu peux. Tu as une mutuelle qui est compris. Quand tu travailles, tu peux avoir une mutuelle. De quoi ? Oui, la CMU. Ouais. CMU, ouais, tu peux avoir une mutuelle, mais c'est pas obligatoire. T'es pas obligé de la prendre quand tu travailles. Mais c'est fortement recommandé. Je crois que si. Il y a des entreprises qui me semblent, moi. Je crois que c'est obligatoire. Ouais. Patrick, tu peux intervenir si tu veux. Hein. Ah oui, avec grand plaisir. Oui, moi je viens de sortir du monde du travail et je confirme que malheureusement maintenant c'est obligatoire. Ah, voilà. C'est ce qui semblait. Même aussi, moi, j'avais une mutuelle avant à l'extérieur avec mon épouse. Et vous étiez obligé de prendre celle du boulot. Et j'ai dû prendre celle du boulot. Voilà, parce que c'est obligatoire. Et la raison, vous la connaissez la raison ou pas ? Bon, ça c'est encore une histoire d'industrie ou de mutuelle. D'accord. C'est... C'est sans doute parce que le patron il négocie avec certains, oui, alors, pour certains avantages. Voilà, c'est ça. Il y a une partie qui est prise en charge et une partie qui est, qui est retirée sur notre salaire. Mais ça peut être avantageux pour nous aussi. Oui. Parce que la plupart des mutuelles d'entreprise ont des paliers de remboursement. On va appeler ça comme ça, des paliers de remboursement qui sont plus élevés que si tu prenais ta mutuelle toi de ton côté. C'est-à-dire ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je travaille dans le domaine alimentaire, donc je suis bien couvert par les dons. C'est un exemple, hein. C'est pas moi personnellement. Mmh. Bah si, en fait. Mais voilà. Si je prends la mutuelle d'entreprise, oui, je peux être remboursé pour des soins de palier niveau 4. Ok. Voilà. Palier 4 et niveau 5 même. Si j'avais ma mutuelle personnelle, même si je travaille dans cette entreprise, hein, et que je voudrais être couvert pour les dents au maximum, je serais que palier 3. Ah oui, il y a un seuil. Il y a un seuil que tu peux avoir que tout seul. En gros, il y a un donc seuil ça, qui est réservé aux entreprises. Pour des domaines spécifiques, en fait. Pour des en fait, une mutuelle, tu peux être couvert sur tout. Oui. Mais ça coûte cher. Oui, ou alors ça. Tu peux être couvert sur certains aspects qui sont plus ou moins en corrélation avec ce que tu fais. Ouais. Quand tu travailles dans le domaine alimentaire, il y a souvent les dents. Ou pas de ce que tu fais, parce qu'imagine que tu as des problèmes, je sais pas, de vue par exemple, et tu veux être largement couvert pour les lunettes, tu c'est peux favoriser forcément... ça, même si ça peux... rentre pas alors, dans ton oui, cadre mais de travail. Tu peux, mais dans au travail, eux, ils vont pas mettre ça en avant. Ouais, non, bien sûr. Ouais. Tu vois, quelqu'un, un patron de restaurant, oui. La mutuelle d'entreprise qui va proposer, c'est t'es bien couvert par les dents, tu vas être bien couvert pour je sais pas d'autres raisons, mais liées au poste qu'il propose. Mmh. C'est logique. Non, mais on est d'accord, ouais. Après, moi, j'ai un avis quand même plutôt favorable hein, sur la mutuelle, parce que ça permet, si l'entreprise prend en personnel charge ou entreprise, oui. Cette, une partie de ta cotisation ou bien le et tu France des... Travail, ou etc., ça te permet d'être mieux couvert. Des paliers supérieurs, techniquement. Okay. Ouais, si jamais tu as une grosse opération, un truc lié au travail, bah, tu es bien plus couvert avec l'entreprise que par toi-même. Okay. Mais il est vrai que, au niveau des mutuelles, malheureusement, dès qu'on arrête l'activité, on doit être obligé de prendre les mutuelles ou pas. Alors, et là, au niveau... Ouais, mais il y a une portabilité, je crois, jusqu'à 2 ans de la mutuelle d'entreprise, mais après, ça s'arrête. Et ça s'arrête, et malheureusement, là, c'est des coûts très très élevés. Ouais. On peut demander à tous les retraités. Ouais, ça je coûte crois, c'est... très très cher. C'est plus on vieillit, plus on va être très très cher. Plus, ouais, malheureusement. Ça coûte cher. Et on va devenir, malheureusement, qu'il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, ne pourront plus se prendre une mutuelle, parce que ça va devenir énormément très cher. Alors, je crois, par exemple, pour les... c'est pas que je crois, c'est que je sais que je pensais pas que c'était vrai, mais je sais ce que je le vois, les grands-parents de ma conjointe ont quasiment 90 ans et ils payent quasiment quelque chose comme 400 balles de mutuelle. C'est par mois. C'est oui c'est ouais. La folie. Mais c'est quoi l'intérêt? Non, mais c'est quoi l'intérêt? C'est la folie parce qu'ils ont voulu être couverts correctement, je pense. Je pense, c'est parce qu'ils ont voulu. Parce que s'ils se seraient mis au minimum, on va dire, ils seraient pas loin de 80-100 euros. Ouais, ce qui est quand même déjà énorme en soi pour un minimum. Tu te rends compte la somme? C'est énorme pour un minimum. Mais il y a quand même ce fait de, effectivement, à 25 ans, pour la même base, les mêmes services, c'est tu vas payer beaucoup moins cher. Mais c'est normal. En même temps, ils considèrent qu'un jeune aura moins de problèmes de santé qu'une personne âgée. Je l'entends. Ça va après dépendre de la mutuelle. Ça va dépendre de la mutuelle. Parce que la mienne, je la paye 100 euros par mois. Alors, tu te fais arnaque. Mutuelle du boulot. Il est jeune et. La mutuelle du boulot, tu la payes 100 euros par mois. Oui. Ah la vache. Il gagne le double seulement. C'est ouf. Faut changer de travail. Mais c'est le minimum. C'est quoi le minimum? Mais quoi? Mais t'es super bien couvert. Ah moi, contre oui. Ah oui, bah j'espère. Et là, ça en vient à une autre question. J'ai pas de problème de santé. jamais. Mais ça en vient à une autre question. En fait, la charge qui nous reste à payer par rapport à ce que l'entreprise paye. Alors généralement, c'est un moite-moite. Mais généralement, c'est 80-100 euros en tout, et nous, on paye la moitié. Ouais, oui, donc, en principe. C'est souvent alors, ça. Vincent, elle. Vincent se fait. Elle paye pas. Toi, tu payes combien? Toi, tu payes 100%. Ou alors, t'es super bien couvert. Là, sur ma fiche de paie, c'est marqué complémentaire santé, hein, 100 euros. 100 euros, mais l'entreprise prend en charge quel pourcentage? J'ai pas les pourcentages sous les yeux. D'accord, mais tu payes pas 100 balles de. D'accord. Je crois pas que ce soit écrit sur la fiche de paie combien le patron prend. Non. Je ne pense pas non plus, mais par contre tu peux te renseigner et ça va. Demander. Le seul truc, alors je reviens sur le est-ce que c'est normal ou pas, ça c'est il y a débat dessus, mais en fait là on est quand même dans un principe pas très social de se dire c'est ceux qui c'est un business plan. C'est un business. Non mais après on est sur des entreprises, donc quelque part, ça s'entend, tu vois. Mmh. Mais on est, ça, c'est pour mais cette partie-là, on se rapproche d'un quelque chose d'assez libéral et pas très social, quoi. Oui, ce qui entre en contradiction absolue avec la base, parce que faut rappeler que le système, comme tu l'as évoqué, de sécurité, c'est social. Social à la base. C'est les communistes qui ont implanté ça avec un ministre. Je sais pas si on peut dire tous les noms. Bon, on peut dire les noms des ministres. Avec le ministre de la Santé Ambroise Croizat qui a mis en place ça, et notamment d'autres trucs sur les réductions d'inégalités entre hommes et femmes, mais ça c'est autre chose. Ah. Mais qui est le père de la sécurité sociale en France. Ok, ouais. Donc, mais alors après qu'il y a un système qui quand même nous couvre bien, qui est celui de la sécurité sociale, qui soit en plus, on va dire, complémenté par justement une complémentaire, qui elle est moins sociale. Bon, ça, je veux dire, ça s'entend. Après, il y a des avantages et des inconvénients. Justement, on peut parler de ces avantages et inconvénients. Par exemple, moi, j'ai des chiffres qui disent qu'en fait, les Français sont seulement 3,2% à renoncer à se faire soigner, alors qu'en des Américains, eux, sont 15%. Parce que c'est trop cher, ils n'ont pas l'accès en fait. Ok, bah oui, non, mais ça c'est donc clairement. C'est un choix. Non, c'est pas un choix finalement, parce qu'ils ne peuvent pas en fait, financièrement. Non, c'est un choix de gouvernement en fait. Ouais, le résultat c'est ça, ils ne peuvent pas se faire soigner quoi. Parce qu'en France, ça représente 9% du PIB. La santé, ça coûte, si on est sur 2022, on est à 235 milliards d'euros. Voilà, avec le fameux trou dans la sécu là, qui se creuse. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie. On peut le voir comme on veut, mais en tout cas pour nous en tant que citoyens, c'est plutôt un point positif puisque au moins on a accès à un trou. Non, on a dit point positif. Soin. Non, mais et en plus tout ça reste relativement encadré. Donc c'est-à-dire que même si tu n'as pas de mutuelle, tu peux aller en consultation chez ton médecin ou la médecine te faire hospitaliser. Moi j'avais trouvé des vrais avantages. T'as parlé d'avantages parce qu'en fait on n'a pas vraiment parlé, mais ça quand même c'est responsable de l'espérance de vie. Oui. Élevé des Français, et ça, c'est un faible taux de mortalité infantile. Ça permet un faible taux de mortalité. Pardon, merci Teddy. Bien sûr, ouais, on est supérieur à la moyenne de l'Union européenne. On est à 82 ans, un peu plus de 82 ans en espérance de vie. C'est important de le dire. Bon, par contre, il y a quand même un bémol là-dessus sur l'espérance de vie, c'est si on regarde région par région. Ouais. On reparlera tout à l'heure de tout ce qui est déserts médicaux, mais du coup, malheureusement, ça y contribue. Voilà. Alors, à Paris, on vit mieux que. On est d'accord. Ça dépend. Hein. Alors, on vit plus longtemps. On vit pas forcément mieux, mais on vit plus longtemps. Voilà. Et dans les points négatifs, non, à moins que tu aies plusieurs autres points positifs Ça couvre les besoins essentiels, apparemment, aussi. Donc, c'est quand même une bonne base. Voilà. Après, il faut savoir quand même que dans d'autres pays, on nous envie quand même beaucoup. Bah oui. Notre système de santé est quand même assez envié. C'est peut-être l'un des seuls acquis sociaux qu'on nous envie. Mais qui est très important. Puisque c'est une quartier française, faut le savoir. Donc, quand vous appelez à Sécu et que vous attendez 30 minutes, soyez fiers. On se dit, ouais, mais c'est quand même bien parce qu'au moins ils sont là. Au bout de 30 minutes, non, ils sont pas forcément là. Mais ce qui revient souvent, c'est le coût lié à tout ça. Pour la France, tu veux dire pour notre système. On est quasiment tous d'accord pour le payer, du coup. Ouais, mais on peut se poser la question de l'avenir de ça. Parce que, en fait, on parle beaucoup du trou de la Sécu en 2024, qui est d'environ 18 milliards chaque année. Voilà. Ouais. La pérennité de ce système, avec notamment le vieillissement de la population, avec l'augmentation des coûts médicaux. Alors, on parle en ce moment, notre Premier ministre parle notamment d'augmenter potentiellement le reste à charge, qui effectivement réduirait le déficit. Par contre, forcément, c'est un curseur, hein, c'est-à-dire que si on réduit qu'on augmente le reste à charge, ça veut dire que tous les avantages qu'on a mis en avant tout à l'heure sur le fait que l'accès aux soins soit pour tous et que moins pour tous. Exactement. Donc on peut se rapprocher finalement d'un système, si on va dans l'extrême, d'un système à l'américaine, quoi. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est tu le connais, Joe? Joe Biden? Non, Joe le taxi. Ah, Joe le taxi. Joe le taxi. Oui, c'est Vanessa Paradis. Alors oui, c'est Vanessa Paradis. Mais là, non. On est sur Indestar, tu devrais le savoir. Bah oui. Ce n'est pas Vanessa Paradis. C'est Tiffany j'allais dire Dulciné, mais non, c'est Doucet. Doucet, ouais. Dulciné, j'aurais c'est aimé. C'est Dulciné. Ouais, je sais pas. Mais bon. Dans tous les cas, Tiffany Doucet a repris Joe le taxi pour vos oreilles respectives. Ouais, j'allais dire. J'ai pas d'autre formulation. J'aime bien Joe le taxi parce que c'est sorti en 1987. C'est ce que j'allais dire, c'est une musique de ton âge. Exactement. Bah, oui. Allez, on écoute sur Indestar. Allez. Tout le taxi il va pas partout. Il marche pas au solaire. Son saxo jaune connaît toutes les rues par cœur. Tous les petits bars. C'est le débat sur Indestar. Vous êtes sur Indestar, n'hésitez pas à nous appeler au 0970 407 306 pour mais participer non, Linda, au départ. On a dit débat. Que le téléphone ne fonctionnait pas, ah tu veux vraiment qu'ils arrivent sur le répondeur? Mais moi je veux qu'ils nous appellent. Non, par contre vous pouvez réagir sur le Twitch, ça vous fait manipuler un petit peu l'ordinateur ou le téléphone, remarque. Oui. Vous allez sur Twitch, vous tapez Indestar Radio tout attaché et vous avez accès, alors déjà vous nous voyez, chose exceptionnelle, et en plus vous avez accès au chat, donc ouais. Vous pouvez laisser vos messages, on les lit en direct et on réagit avec vous, il n'y a aucun souci. Linda, c'est pas parce qu'on parle de sécu que tu dois faire comme eux, hein. Si les gens nous appellent, bah on va pas répondre. Sont combien de délais d'attente? Bah oui, dommage. Là on est plus que sur 3 mois. Là. Bon, toutes mes excuses, mais j'ai vraiment envie de vous avoir alors au téléphone, c'est pour ça. Non, mais je suis content que tu aies mémorisé le numéro de téléphone, c'est ça. Cool. Bon, et si on parlait par exemple d'accès aux soins, de diagnostic, de déserts médicaux, et est-ce qu'il faut réguler cet accès justement aux soins? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, parce qu'on parle santé ce soir, hein, d'une ça, manière générale, effectivement. Donc oui, l'accès aux soins, c'est déjà la première des choses. Est-ce que l'accès aux soins est facile déjà de base? Est-ce que c'est facile? T'as un problème, est-ce que c'est facile de laisser faire soigner ce problème? Et quel est le problème principal? Est-ce que vous pouvez en parler? Alors moi déjà j'ai un avis, mais je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Parce que j'ai toujours un avis, donc, de toute façon. Théo, vas-y, tu peux ouvrir le jeu, vas-y. Non, non, mais je me dis déjà, peut-être que là on est en région Centre-Val de Loire et du coup on parle de moi je trouve qu'il est pas facile l'accès. Voilà. Non. Un gros bisou à toute l'équipe, Joe qui nous écoute et qui nous répond sur le chat. Le taxi ou Non, c'est pas Joe le taxi, c'est Joe Homo. Oma Mori, très exactement. Très difficile mal, hein. À dire. Pour en revenir à mon système de santé, est-ce qu'on peut pas différencier, je le disais en intro tout à l'heure, l'accès qui peut être malheureusement différent entre la ville et la campagne. Nous, on habite plutôt dans une région rurale. Ah, moi, je parlais même pas de ça. En fait, c'est par rapport aux catégories de soins. Ah oui, toi, t'es dans autre chose. En fait, mais nous, on s'intéressait vraiment sur ce problème qui est déjà principal avant de parler des catégories de soins. Bah non, mais généralement, quand t'as n'importe quel problème, je sais pas, t'as un gonflement bizarre à l'œil, tu dois forcément passer par ton médecin. Généraliste. Oui, généraliste. Oui, donc déjà, à la base, c'est médecin généraliste. C'est ça que je trouve ça un peu chiant déjà, ouais. Parce que déjà, t'es pas trop con, tu sais que quand t'as un problème à l'œil, tu dois aller voir ton médecin des yeux. Voilà, si on schématise, simple. Genre l'ophtalmo. Oui. Voilà. Bah non, tu dois quand même passer par quelqu'un. Parce que d'accord avec toi. Parce que le généraliste, il est généraliste. Du coup, il est censé... il est généraliste, donc il sait tout et rien en même temps. Oui, mais c'est pour moi. Je suis méchant là avec les généralistes. C'est pour moi encombrer les spécialistes en fait. Bah oui, mais voilà. Généralement, si t'envoies vers lui, c'est. Ouais. T'as un problème à l'œil, bah oui. Bah ouais. En fait, si tu as identifié, alors après, nous on parle parce que peut-être que. Oui, voilà. Alors ça parle d'identification. T'as raison. Ouais. Parce que les généralistes, effectivement, ils vont filtrer certaines personnes qui ont peut-être pas besoin d'aller voir un spécialiste. Ça doit être certainement pour ça. Mais c'est vrai que nous, quand on a ce besoin, on se dit oui. Des fois, peut-être, on a déjà été voir un généraliste pour un problème similaire. Là, ça nous le refait. On se dit bon, ok. Sans même parler de connaissances, il y a des médecins qui devraient être un peu plus abordables. Aller chez l'ophtalmo, ça devrait pas passer par un généraliste. De mon point de vue, il y a des médecins comme ça, le dentiste par exemple, chose qui est bien, mais on peut y aller. J'ai mal aux dents, tu vas. Mais le dentiste, tu peux accéder sans aller chez ton généraliste. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que je viens de dire. D'accord, je viens de dire, compris. Lui par exemple, j'avais c'est bien, compris. On peut y aller sans aller voir le généraliste. Il y a quelques médecins, je pense, qui devraient rentrer dans cette catégorie-là. L'ophtalmo, je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que. T'as mal aux yeux ? Alors je suis désolé, quand t'as des problèmes de vue, le généraliste, il sert pas à grand chose, clairement. Ah, des problèmes de vue, mais c'est particulier. Bah, problème de vue, tu vas voir un ophtalmo. Eh ben oui, tu vas pas voir un généraliste. Oui, mais donc, tu dois d'abord aller voir ton généraliste. C'est pas une obligation, hein. Non, pas pour la vue, hein. Alors, on nous dit que non. Non. Alors, dans mon oreillette, on me dit que non. J'ai toujours rêvé de dire ça. Alors, je crois effectivement que c'est pas obligatoire. Par contre, Non, mais c'est même sûr que c'est pas obligatoire. Bah oui, sinon, d'accord. Cela dit, tout ce qui est spécialiste, aujourd'hui, en tout cas chez nous, dans les campagnes, c'est 6 mois d'attente. Ouais, mais c'est que les ophtalmos, c'est pas des spécialistes, c'est pour ça. Si. Voilà, mais non, on s'est trompé. Non, mais. Ça y est. Non, mais Teddy, écoute-moi. C'est 6 mois d'attente, tout ce qui est spécialiste. Ouais. Okay. Donc, minimum. Quand tu as une urgence, tu es obligé d'avoir l'aval de ton généraliste pour potentiellement avancer ton rendez-vous. Tu vois, donc si tu as effectivement. Des problèmes de cœur ou un truc du genre. Oui, non, mais même. Reprends ton problème de vue. T'as un problème de vue. Tu veux un rendez-vous chez ton ophtalmo. Si tu appelles, ils vont te donner un rendez-vous, mais ils vont te donner là, un rendez-vous là en avril 2025. Donc, si tu veux écourter un petit peu cette attente, tu vas voir ton généraliste qui te fait un petit papier que tu vas présenter. Alors, tu appelles l'ophtalmo. Ils vont te dire est-ce que vous avez un papier du médecin? Oui. Et là, potentiellement, tu peux avoir un rendez-vous plus rapidement. Ouais, c'est vrai. Je suis pas certain de ça, hein. Et pour les rendez-vous, où aujourd'hui est encore plus compliqué, pour une personne, encore, je reviens un peu sur les personnes âgées et tout, c'est qu'aujourd'hui, on appelle un ophtalmo et tout, il n'y a plus personne. Il faut passer peut-être par des doctors libres et tout ça, par Internet. Et aujourd'hui, c'est un gros problème aussi. Pour certains, l'accès est compliqué. L'accès. Alors, on parle de l'accès aux soins, c'est effectivement la prise de rendez-vous. L'accès aux soins aujourd'hui est compliqué. Je me reviens toujours pour une personne âgée qui n'a pas Internet, qui a certain âge. Tu parles de docteur libre, la pauvre, qu'est-ce que c'est? Ah, bah je suis perdu, moi. Clair, ouais. Heureusement que j'ai Maëva, mais. c'est un gros problème aujourd'hui. Parce effectivement, qu'on aura moins... ça fait partie de l'accès aux soins. Hein. C'est la prise de rendez-vous, comment on prend rendez-vous. Il y aura de moins en moins de personnes à l'accueil qui va nous prendre en ligne. Ouais. Parce que tout ça, c'est encore une histoire aussi de coûts pour les cabinets. Hein. On enlève une secrétaire, on enlève tout ça. Tout se fait par Internet, tout ça. Et ben le problème, ça va être ça aujourd'hui encore. Ouais, non, tout à fait. Et puis on peut parler aussi du problème de, voilà, je déménage, je m'installe dans un nouvel endroit et j'appelle un cabinet, le cabinet médical du coin, et j'ai pas forcément un médecin à ma disposition parce qu'on va me demander si j'ai déjà un médecin traitant. Or, mon médecin traitant n'est plus là puisque j'ai déménagé et on n'a aucun nouveau médecin traitant à me proposer. Voilà, donc effectivement, c'est aussi très, très embêtant aujourd'hui. Alors, moi, je voudrais revenir sur les déserts médicaux, en fait. Oui. Alors, s'il vous plaît, du coup, si t'as... Dans le micro, si, parce que... Ouais, si vous voulez participer, il faut parler dans le micro, sinon on n'entend pas, en fait. Mais... Bah, c'est que Gérard me disait qu'il a trouvé un truc. Enfin, je sais pas si c'est un truc. Une astuce. Ouais. En fait, il a été à l'hôpital voir un ophtalmo qui travaille à l'hôpital pour un problème de vue. Et effectivement, il est passé plus rapidement que s'il avait pris un rendez-vous. Mais en fait, c'est ça l'effet pervers. C'est-à-dire que... Après, tu vas à l'hôpital, comme on arrive à avoir personne... Les urgences. Exactement, ouais, exactement. Ça. Et le mot urgence, normalement... c'est une urgence. Oui, mais alors c'est une urgence. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'est une urgence? Pour moi, une urgence, t'arrives, t'es ensanglanté, etc. Tu vois, là, aujourd'hui, les urgences, et d'ailleurs, sont saturées dans bien c'est des villes. C'est un peu tout et n'importe quoi. Parce que, oui, mais pourquoi c'est tout et n'importe quoi? Parce que, on a justement, plus l'accès. T'as plus l'accès aux soins autrement. Mais alors, justement, pourquoi? À votre avis, pourquoi on n'a plus accès? Parce qu'il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de médecins. Pourquoi? Parce que les médecins sont vieillissants maintenant. 44% des praticiens ont plus de 55 ans. Et c'est non, pas une statistique. Non, mais c'est la vraie raison. En fait, il n'y a plus de jeunes médecins et là, on est en train de les perdre un à un. Et du coup, voilà, il n'y a plus personne qui bosse, quoi. Matoubi est jeune, elle a dans la quarantaine. Ça, c'est une parmi... Plus toute jeune, mais quand même. Voilà. N'empêche que sur les territoires, si on reprend ville vs campagne, hein, on est à 87% du territoire qui est classé comme désert médical. Donc, c'est pas juste dans la Creuse où il y a moins de médecins. Hein. C'est et vraiment... Véritable anecdote, il y a quelques années, mon père allait voir un psy sur Amboise. Quelqu'un devait remplacer ce psy qui devait aller à la retraite. Mm-hmm. Un médecin plus jeune est arrivé. Il a vu Amboise. Qui n'est pas une petite ville. Non, 13 000 habitants. Réflexion, qu'est-ce que j'irais faire dans un trou paumé? Ah ouais. Ouais. Allez. Résultat, le psy, il est parti, il faut aller à ses retours pour avoir un psy. Et donc, se pose la question derrière, je pense que Linda, tu voulais en arriver de là, mais comment est-ce que l'on doit réguler justement cet accès aux soins? J'entends par réguler le fait que, au niveau des médecins, du corps des médecins en règle générale, hein, que ce soit des spécialistes ou des médecins généralistes, est-ce que vous trouvez ou pas que c'est une bonne chose que le gouvernement mette un petit peu son nez là-dedans et se dise, tiens, si on veut avoir des médecins un petit peu partout, il faudrait pouvoir trouver un moyen de réguler ça. Mais ils n'avaient pas mis des choses en place déjà, il me semble. Je crois qu'il y a des choses qui sont mises en place. Mais ça ne fonctionne pas, visiblement. Je pense qu'il y a même des communes qui... Ils ont des aides pour faire venir des médecins. Clé en main, ils les accueillent avec... Vous avez le local. Ouais, ouais. Mais on ne peut pas forcer un médecin à s'installer là où il veut. Je pense pas non plus. Alors, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, dans les faits, et là, on vient de citer quelques exemples, mais dans les faits, effectivement, j'ai l'impression que ça se ressent pas. Puisqu'il y a 87% du territoire qui est classé en désert médical. Pour une anecdote perso, il y a quelques semaines, j'ai été à Paris pour voir un spécialiste parce que j'avais un rendez-vous chez un spécialiste. Problème de cheveux, calvitie. Non, en plus. Non, c'est pas à Paris ça. J'avais rendez-vous chez un spécialiste dans notre coin dans 6 mois, hein, encore une fois. Et un rendez-vous à Paris, c'était 3 semaines. Donc, est-ce que c'est normal? Oui, parce que tout le monde est centralisé sur Paris. Parce que c'est centralisé. Donc, ça veut dire que cette politique qui est menée. Voilà. Marche pas vraiment. Fonctionne pas vraiment. Est-ce que tout a été mis en place pour? J'ai pas la réponse à ça. Ça fonctionne pas en tout cas. Est-ce que y a pas je vais pas jouer mon Kim Jong-un, hein. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faudrait pas obliger quelque chose en fait? Là j'ai l'impression que quand il a dit ça, c'était ça. Mais moi j'entends mais en même temps il a raison. Non, est-ce qu'il y a pas un step supplémentaire? Mais oui, y a c'est à la jouer. Santé. Je dis une bêtise, hein, mais je sors de l'école de médecine. Tu dois aller t'installer dans ces zones-là. J'ai même lié ça à l'armée en fait. Oula. Si, parce que quand t'es dans l'armée, t'es sur une base, t'es affecté. Oui. Pourquoi on n'affecterait pas les médecins comme à l'armée en fait? Parce qu'ils sont pas payés par l'État. Comme l'éducation nationale. Mais oui, c'est pareil. L'éducation nationale, effectivement, même dans les petits bleds. Parce qu'ils sont pas fonctionnaires. Non, mais effectivement, ils sont pas payés par l'État. Mais oui, c'est pas le même statut. Parce que effectivement, imaginons les docteurs. Imaginons dans un monde où les médecins seraient fonctionnaires. Effectivement, ils auraient sans doute pas trop le choix de s'installer là où l'État veut qu'ils s'installent. Okay. Sauf que visiblement, ça fonctionne pas comme ça. Alors, faut-il rendre les médecins fonctionnaires? Je pense qu'ils vont faire la gueule parce que je pense que le métier de médecin, quand même, on le sait tous, c'est quand même assez bien payé. Rémunéré. Généralement, c'est pas les premiers à se plaindre. Assez bien payé, je sais. Alors, ça dépend. Des fois, ils ont du mal à se payer des clubs de golf. Après, ça, je suis méchant. Ça dépend de quel poste tu t'occupes. Oui. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'une infirmière ou. On a parlé de médecin. Quand t'es infirmière, non, t'es non, pas médecin. Il a raison, Vincent. Ça fait partie, infirmier. Ah oui, ça fait partie du corps médical. Bien sûr. Mais techniquement, tu n'as pas le titre de médecin. Par rapport à un chirurgien qui va juste faire de la rhinoplastique et payer, payer pour le coup, pas mal. Mais c'est vrai que golf. Là, t'es en train de dénoncer une sorte de d'inégalité. D'inégalité ben, dans. C'est peut-être que jusqu'à preuve du contraire, il y en a qui fait des horaires plus que l'autre. Je suis pas certain que le médecin qui doit payer sa secrétaire qui a des coûts fixes roule non plus sur l'or. Non, mais en vrai, ça, c'est fini. Non, je pense que souvent. Non, mais c'est fini, ça en plus. L'or, c'est dans sa voiture en général. Je pense que le chirurgien, effectivement, peut-être qu'il peut avoir des. Parce que lui, il rentre des gros contrat. Quoi. Parce qu'en fait, c'est parfois des dépassements d'honoraires. Des dépassements d'honoraires, c'est des tarifs qui ne sont pas conventionnés. Non. Donc, non conventionnés, et puis même en règle générale, avant même que tu commences quelque chose, il y a déjà des dépassements d'honoraires. Ils anticipent déjà, et généralement, ils se prennent des marges assez élevées. J'en sais quelque chose. Teddy, sans rentrer dans le côté fonctionnaire, pourquoi pas, hein, ça serait tout revoir notre système ça de santé. Ça peut être une idée, mais faut, ça pourrait être une idée. Mais sans parler de ça, il y a quand même des conventions. Tu sais, quand les médecins sont conventionnés, etc. Pourquoi. Enfin, ça peut être modifié. C'est-à-dire que, en fait, l'impact de ça pourrait très largement être modifié par l'État en imposant des règles, hein, tout simplement. Ouais, ça pourrait, hein, mais après, on peut ne parler... serait-ce qu'en termes de périmètre. Tu vois, on pourrait très bien instaurer le fait que dans une ville, ça existe. T'es obligé d'avoir tant de médecins maximum, cinq médecins. Alors, il existe un système au Portugal et je vais pas vanter les mérites du Portugal là-dessus parce que notre système de santé est quand même bien meilleur en règle générale. Mais il y a en fait un système. Alors, je sais pas s'ils sont fonctionnaires ou autres, mais en gros, tu habites dans un périmètre. Tu as forcément un médecin dans ce périmètre-là et c'est le médecin auquel tu es affecté. Donc, tu n'as pas le choix du médecin. Par contre, ça veut dire que sur chaque territoire, tu as un médecin à disposition. Voilà. Donc, en fait, là, oui, c'est pareil. C'est réparti. Mais en même temps, c'est un petit comme pays, effectivement, mais c'est plutôt pas mal, effectivement, d'être réparti. Cette répartition, ouais, tu vois, Quelles sont les conditions de moins de médecins, médecins à moins de 5 km, tu vois, il pourrait y avoir ce système-là. Hein. Peut-être, va savoir, mais je sais pas, je suis pas médecin. Je vais appeler Manu, on va en parler. Non. Mais il y a une chose aussi, je pense que les médecins aussi, c'est le problème, c'est déjà pour rentrer dans l'école. Et comme il y a. Ouais. Les places sont très. Hein. Les formations sont très courtes. Je vais prendre un exemple, je parle un peu pour moi. J'ai mon gendre qui est infirmier, psychiatre. Ouais. Et il a 32 ans, il repart à l'école. Il va être. Il est en train de préparer une pour être médecin psychiatre à son cabinet. Il y a 10 ans d'études. Il a 30 ans. C'est long. Ouais. Dites-vous, pendant 4 ans, il ne va pas être rémunéré. Ah oui. Pendant c'est à sa charge. Ans. Et c'est à sa charge. Ouais. Vous voyez que déjà. On ne pousse pas à étudier déjà. Hein. Déjà, alors, c'est très dur. Il faut passer des concours. Les places, il y en a, on va dire que ça. Et on l'a vu malheureusement pendant le Covid. C'est pas loin. Le manque de médecins qu'il y a eu. Ouais. Le nombre de morts qu'il y a eu. Parce qu'il parlait, on va faire des appareils pour la. C'est vrai que si on veut un meilleur système de santé, il faudrait déjà former plus facilement des donner l'accès gens, à la formation. Oui, c'est ça. C'est logique. Et il faudrait quand même. Il faudrait pas que ce soit aussi. Qu'il y ait une aide aussi un petit peu. Et je pense qu'aussi, il y a comment ça. Qu'on encourage les gens. Il y a des blocages. Il y a 4 places. Ils sont combien c'est après, ça, j'ai connu beaucoup de gens en études de médecine. Oui. Ah, c'est pas les premiers à faire des queues. C'est connu, ça. Je sais pas, mais c'est sûr. Il doit y avoir une stat de combien de personnes finissent vraiment leurs études. Aujourd'hui, mon gendre, il va vivre que sur le salaire de ma fille, qui est éducatrice spécialisée, qui gagne 600 euros. Et qui sont, Oui, parce que là, on parle pas de compétences, pour le coup. On parle vraiment de rien que le poids financier sur les 4 premières années. Et c'est ça aussi. Complètement la charge de l'étudiant. Puis il a déjà un background, quoi. Il sort pas de nulle part, c'est pas sa toute première école. Donc. Vous voyez que c'est le problème aussi. Ça c'est, devrait être simplifié, effectivement. Tout ça, c'est un. On prend de balle de l'échelle et on le retrouve. Puis 10 ans d'études, quand même. Donc et c'est 10 ans d'études. Un médecin généraliste, c'est 10 ans d'études. Enfin, c'est pas mal d'années aussi, je pense aussi. Ouais, ça au moins 8. Et on pense. Je prends j'ai la copine d'un copain qui est interne, mais gagne. Vie de merde. Vraiment pas grand chose en tant qu'interne. On pourrait rendre ça beaucoup plus. Rémunéré, gratifiant. Gratifiant et motivant. Oui, d'avoir au moins une compensation. Et on peut pas reprocher aux médecins après avoir galéré 7-10 ans, de vouloir de gagner leur route, quoi. Enfin, parce que tu vas dans tu t'installes à Guéret dans le 23 en Creuse. Et Guéret, je pense pas que ce soit le pire. T'installes. Je sais même pas d'où tu sors ce nom, mais. J'ai des copains qui habitent la Creuse. C'est pour ça. Tu vas t'installer à Creuse, un petit bled de Creuse. Bon, ben, fais chier, quoi. Enfin, t'es pas sûr de rentrer tes les sous. Les paysages sont jolis, qu'est-ce que t'as complètement. J'avoue, faut se mettre à leur place. Faut se mettre à leur place aussi. J'avoue, et tu peux pas leur reprocher de vouloir. Pas habiter dans la Creuse. Ouais, et j'avoue. Il y a une génération de médecins avant, ils étaient auprès de nous, auprès des malades. Ils mettaient pas leur vie personnelle. Combien de médecins on ne sait pas qui a divorcé, et c'est ça. Ils ont le droit aussi une vie personnelle. Avant, on prend un peu des personnes qui ont un certain âge. Ils étaient là, ils faisaient les accouchements, ils allaient voir les machins, c'était vraiment le médecin. Et à 10h, moi j'ai vu des médecins à 10h du soir qui étaient encore devant la maison. Et aujourd'hui, on n'en trouve pas plus. Fini, oui. Parce que parce qu'ils ont une vie aussi, qui est normale aussi. Bien sûr, c'est normal. Et là, je pense que tout a changé. C'est pour ça qu'on prenait l'exemple des infirmières qui aujourd'hui ont du mal, alors déjà à joindre les deux bouts en termes financiers, et qui en plus ont des horaires de dingue et sont sollicitées, et malheureusement, aussi compétents ou compétentes soient-elles, font des erreurs médicales parce que justement elles font des journées de dingue, quoi. Mais la durée pour la sœur de Fanny et ma conjointe a été infirmière. La durée de vie, en moyenne, les gens font infirmier, infirmière pendant 7 ans. Ah, et effectivement, tu as des actes qui sont rémunérés quasiment peanuts. Tu dois multiplier les interventions pour pouvoir être rémunéré correctement. Donc ça, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel tu travailles plus pour gagner plus. Tu gagnes plus, donc il y a des infirmiers libéraux notamment qui arrivent avec des rémunérations assez bonnes. Mais ça va avec un stress, ça va avec comment dire. Bah, t'es coupé de certaines libertés. La peur aussi de se tromper, tu vois, parce que quand tu multiplies les actes, etc., tu te déplaces. Ouais, t'as la pression un peu. La mauvaise jambe. Et puis, on parle quand même de la vie des gens. C'est extrêmement. C'est pas un ballon de football, quoi. C'est extrêmement dur, quoi. Et moi, vous voyez. On en vient là. Non, mais c'est parce que c'est par rapport à ton truc là, ton focus sur les médecins gagnent bien leur vie. Ouais, non. C'est vrai que les footballeurs gagnent bien leur vie aussi. Et pour taper dans une baballe. Voilà. Ah, c'est méchant. Mais un médecin, malheureusement, moi qui fais partie de la santé de la famille pour les addictions et pour les. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On va en parler juste après. Un petit peu. Ils sont obligés, malheureusement, de tomber dans un produit, d'une addiction, pour tenir le coup. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Mais oui. Se font eux-mêmes soigner. Parce que c'est pour avancer. Ouais. C'est pour avancer. Ouais, mais c'est malheureux. Je vous en parlerai parce que je suis dans le. On a assez discuté ensemble. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, et croyez-moi que c'est. C'est un l'envers du décor. Ouais, c'est aujourd'hui le problème aussi. On va en parler, mais avant ça, on va écouter Apicat Disco qui ont fait un petit match-up. Un match-up Prince de Bel-Air avec Tom Jones. Je connais pas Tom Jones. Ah, ça doit être sympa ce mélange-là. Tu connais le Prince de Bel-Air ? Tu connais pas ? Quoi ? Ouais, non, mais c'est Will Smith, je sais, il a fait une série, c'est bien, mais c'est pas une musique. Mais si, il a composé et chanté c'est une série. La. Oh, t'es trop jeune. C'est le générique. Oui, non, mais d'accord, c'est le générique, mais c'est Will Smith qui l'a chanté. Théo, il est trop jeune, laisse tomber. Il est trop jeune. Bah oui, vous êtes vieux. Léa, soutiens-moi un peu. Bienvenue sur Indestar. C'est pour tout le monde. Je connais pas non plus, malheureusement. Indestar. Bonne soirée sur Indestar. J'espère vraiment que tout le monde va bien, c'est Radjou. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Indestar. Je découvre et c'est top ce que vous faites. C'est super. Merci. Merci. Merci. Merci. Génial. Franchement, on changeait pas. Oui, Indestar. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute and just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. It's not unusual to be loved by your home, Bel-Air. In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spend most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel-Air. I whistled for a cab and when it came near, the license plate said freshen it and dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it, yo, home's the Bel-Air. Bel Air. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual. Que je débattisse, que tu débattisses, qu'il débattit, que nous débattissions, que vous débattissiez ou qu'elle débattisse. Des bocales. Comme ce verbe, la team Indestar est imparfaite, mais elle a des arguments. Le débat, c'est jusqu'à 22h sur Indestar. Tout est dit. Qu'est-ce qu'on conjugue bien, c'est Indestar. Waouh. Subjonctif imparfait. Waouh. Non, mais ce soir, sinon, on est là pour du débat. Donc, on va parler maladie, handicap, différence, les HPI, les 10, ouais. Et la prise en charge de ces personnes, en fait. Ok. Attends. Est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour écouter ce bed où il y a une mouche qui... C'est pas une mouche, c'est du violon. C'est du violon, t'es dit. J'ai déjà écouté du violon, j'ai écouté Lindsay Sterling, c'est sûr, ça s'en passe. Là, t'entends juste un... C'est parce que j'ai fait exprès pour que ça soit pas trop présent, pour que ne pas qu'on entende que ça. J'entends que la mouche, perso. Mais vas-y, Nina, continue. Vas-y, parle avec la mouche. Du coup, moi, je parle avec la mouche et j'ai envie de parler des diagnostics pour savoir si on est HPI, HPE. Ouais. Alors, c'est quoi HPI, HPE déjà ? C'est haut potentiel intellectuel ou hyper sensibilité. Ce qui a rendu riche les psys, en gros. Voilà. Bon, alors ça, toi, l'économie du bullshit. Je sais que t'es pas d'accord avec tout ça. Mais bof. Tu nous diras après ton avis si t'as envie d'en parler. En tout cas, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très difficile d'accéder à ces tests parce qu'ils coûtent entre 200 et 800 euros. Ah non, sur Internet, c'est facile. Non, mais c'est pas des vrais tests, ceci dit, sur Internet. C'est pas officiel. 2 plus 2, coup... 4, c'est bon, THP. Non. Et du coup, il y aurait que 2% de la population qui serait en fait profil HPI, mais on n'en est pas certain parce qu'on n'a pas réussi à diagnostiquer les gens, en fait. Donc, ça veut dire quoi, en fait, HPI ? Ça veut dire que tu as un QI qui est supérieur à la moyenne, normal. Qui fonctionne un peu mieux. Fonctionne bien, ok, ouais. Mais bon, moi, ça fonctionne pas mal et pourtant t'as je suis pas HPI. Une certaine forme d'intelligence qui est supérieure que tu aux autres. Testé, tu non sais non pas. Moi je suis HDI en fait, c'est parce que c'est j'ai du mal à démarrer, mais après ça va tout seul. C'est allez, comme un moteur diesel. Ah vous tu l'as préparé celle-là? Non, je l'avais déjà. Oh bravo. Elle est bien quand même. Je crois que je connais les 2% de la population du coup. Ah il y en a beaucoup hein. Mon fils à l'école. Alors non, lui, je dis pas qu'il est HPI. Certainement pas. Alors il est peut-être non, mais j'entends beaucoup de parents d'élèves. Oui. Ouais, moi, mon fils, mais c'est... il est précoce. Et tout... Tu vas la, tu vas à la sortie de l'école, ils sont tous HPI. On en entend beaucoup quand même, oui. Parce que justement, comme tu l'as dit, c'est un fléau. C'est pas des vrais tests qu'on voit. Là, pour le coup, c'est un prétexte. Tu vois, ils ont pas passé le test du tout. C'est ça. Et leur fils ou leur fille fait des choses bizarres. Il fait des choses de teubé. Faut dire les choses. Des choses de teubé. Juste il est teubé. Oui. Non mais il s'ennuie dans sa classe. C'est pour ça qu'il fait le con. Ah, c'est pour ça qu'il est nul. Non il est con. Il s'appelle Kevin. Il est con. Oh. C'est méchant pour les Kevin. Ça y est, ça classe sur les prénoms. Qui a quelque chose de constructif à dire là-dessus? Moi je peux dire aussi qu'on appelle aussi ces gens des zèbres. Voilà. Oh là là. Pardon. On a dit constructif. Mais c'est constructif. C'est réel. C'est factuel. Donc d'accord. Voilà, je vous informe. Alors pourquoi? Alors j'en sais rien. En tout cas, on les appelle comme ça. Génial. C'est une autre façon de les appeler. Voilà. Ouais. Des personnes qui ont des particularités neuroatypiques. Oui. En tout cas, la résultante de tout ça, c'est que au-delà d'un diagnostic, il y a une différence. Donc en fait, cette différence-là, pour s'insérer dans le monde, le monde classique, on va dire, peut être compliqué. Donc on en arrive à la fameuse prise en charge. Est-ce qu'il y a des choses qui existent? J'irais même jusqu'à dire qu'il y a une exclusion de ces gens. Je vais dans l'autre sens. C'est un peu plus violent. Parce qu'on, quand ce qu'on connaît pas, on met de côté en fait. Souvent. C'est ça. Ce qu'on connaît ça pas. Ça fait peur, l'inconnu. Ouais, c'est ça. À partir du moment où tu es différent. Regarde ta réaction. Tu dis HPI, HPE, ouais, ça me saoule. Non, non, non, mais attends, faut voir ça, les choses autrement, parce que là, moi, ça me fait rire, parce que j'en entends beaucoup, du coup, forcément, je suis un peu aigri sur le truc. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et qui savent même pas ce que c'est, en fait. Si on repart sur l'humain, entre guillemets, on a toujours eu peur de ce qu'on ne connaît pas, c'est naturel. Là, par contre, nous, on peut agir. C'est un principe de majorité, aussi. C'est un principe de majorité, oui, effectivement. Mais... on peut évoluer, on peut avancer avec ça. On ne connaît pas, mais on peut faire des efforts pour comprendre et s'adapter à certaines personnes et à certains handicaps, oui, que ça soit mental ou physique. Moi, je trouve que les dyslexiques, les dysphasiques, etc. Non, mais même sans parler de ça, ça se fait sur l'handicap physique. Oui, ça fait depuis, je pourrais même pas dire de combien d'années, mais. On est rodé là-dessus. Ouais. Voilà, on sait, il y a des places de parking pour. Exactement. Il y a plein les d'aménagements. Rampes, voilà. Dans le métro, d'ici 20 ans, il y aura normalement un accès pour tout le monde. Voilà, les personnes qui sont en fauteuil. Ça inclut pas les gens aussi bien que vous pensez. Pour le coup, ça suffit pas. Ça suffira peut-être jamais, d'une certaine manière. Parce qu'on peut faire des efforts, mais on peut pas tout faire non plus. En fait, tu ne peux pas se mettre à la place d'une personne. Tu ne peux pas effacer une différence. Et la différence, elle existe et elle est comme ça. Voilà, il faut l'accepter. Mais. Déjà, il faut commencer par l'accepter et la comprendre. Et la comprendre. Voilà. Et notamment, je disais sur les 10, c'est vrai que c'est quelque chose qui, sans remonter loin, hein, rien qu'à mon époque, c'était très souvent mis de côté ou on passait à côté. Mais parce qu'ils ne connaissaient pas. Et moi, dans les écoles, parce qu'il y avait une méconnaissance, il n'y avait rien. Ouais. Maintenant, tu vas à l'école, ton gamin dit ah ben il est 10, hein. Ouais. Voilà, il a ça. Alors, tous les gamins sont 10 quelque chose. Non, clairement. Mais non. Non, alors, non, je t'avoue, je t'assure. Alors, ils sont HPI. Mais sont 10 aussi. Oui, non, mais. Ça, c'est les parents. Ça, c'est les parents. Mais je te jure, il y a une mode. Non, mais il y a un diagnostic. Oui, il y a des professionnels. Il y a des professionnels. Je suis d'accord. C'est tous les profs disent forcément, et ça, je l'ai entendu avec. Et t'en as plusieurs, parce que c'est comme les Pokémon. Tu les collectionnes. Ils sont dyslexiques, 10 machin, 10. Il y a un effet de mode. C'est juste qu'ils mettent un nom sur quelque chose. Oui, mais alors peut-être que pour mettre tout ça un petit peu d'aplomb, il faudrait qu'il y ait un vrai diagnostic. Bon, alors les parents peuvent dire ce qu'ils veulent, je veux dire, à côté, ils ont toujours dit que leur enfant était surdoué, etc. Mais il faudrait pouvoir poser un vrai diagnostic accessible à tous pour déterminer si, effectivement, il y a cette différence. Mais si cette différence existe, comment la prendre en charge ? Non, mais, un vrai diagnostic disponible pour tous. Oui. Tu peux pas faire un vrai diagnostic toi-même, parce que du coup, c'est pas un vrai diagnostic. J'ai pas un autodiagnostic, j'ai dit un diagnostic pour tous. Mais la différence, tous les 10, ça se fait à l'école maintenant. C'est assez simple d'accès, donc c'est assez accessible, alors que le HPE et l'HPI pas du tout, par exemple. Donc c'est une maîtresse qui peut dire ton enfant est 10. Là, ça c'est bon, c'est réglé. Alors que ça. La maîtresse, ouais, voilà, je suis pas la maîtresse, mais il y a des médecins. Brigitte, il y a pas de médecin, non. Oui, Brigitte, toi qui étais dedans en éducation. Non, un enseignant peut pas dire si un enfant est dyslexique. Mais par contre, ils ont des visites avec des médecins. Oui, à mon époque, ça se faisait. Alors, je sais pas si ça se fait encore. Mais scolaire qui passe une fois tous les ans. Non, mais est-ce que l'enseignant peut flécher quelqu'un, je veux dire, peut repérer. Normalement, c'est choses, même son rôle. Voilà, il y a des choses qui se c'est repèrent. C'est son rôle. Et conseiller aux parents de faire un bilan pour déterminer exactement. Déterminer si c'est dyslexique. Brigitte, t'es en train de dire qu'il n'y a plus du tout d'une visite obligatoire, parce que moi, à mon époque, t'avais une visite obligatoire avec le médecin, il mon te fils vaccinait, n'a il te suivait, il avait ton carnet de santé, enfin, il y avait attends, quelque chose. Ça dépend peut-être de la localité dans laquelle tu étais. Mais non, je suis dans le Var, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien dans le Var. Attends. Écoute-moi, quand j'ai quitté l'éducation nationale, il y avait une visite pour les grandes sections, par exemple pour les maternelles, mais pas de vaccination, pas de choses comme ça. C'était une visite médicale en fait, simplement. Visite, ouais. Peser, mesurer, parler un petit peu. Bah ça, il y a même plus actuellement. Mon fils n'a pas de ça à l'école. C'est fini. Mais comme quoi ça a changé. Bah ils ont même pas d'infirmière. Mais parce qu'il y a de moins en moins de médecins scolaires. Et toujours pareil. Et en termes de prise en charge et de coûts, est-ce que si. On parlait tout à l'heure des médecins généralistes qui pouvaient flécher vers des spécialistes. Est-ce que si un enseignant flèche un enfant sur justement une différence potentielle, qui n'a pas été encore actée, vers un diagnostic, est-ce que ce diagnostic peut être pris en charge par un spécialiste pour le coup? Oui, mais en fait, la démarche, c'est l'enseignant repère des choses qui peuvent. Voilà. Oui, donc, faire penser à. Conseil, on rencontre les parents et on dit peut-être que votre médecin vous en a déjà parlé. Bon, des fois les médecins oui, des fois non. Après peut-être voir une orthophoniste, par exemple pour dyslexie, okay. Voilà. Non et mais puis, ça c'est on n'a pas mis de diagnostic encore. Non, et ouais. Mais de toute façon, pour mettre un diagnostic, faut un quelqu'un. Être diagnostiqué un enfant de 3 ans ou 4 ans peut pas être diagnostiqué. C'est trop tôt. Dyslexie, c'est beaucoup trop tôt. Ouais. Donc de toute façon. Alors à quel âge voilà. Ça peut être diagnostiqué parce qu'en fait ça peut lui porter préjudice après dans ses études s'il y a pas de. Quand de il prise commence en charge. À lire et écrire, si, je dirais. Vers 7-8 ans. 7-8 ans. Vraiment un diagnostic, voilà. Mais il oui, n'y ouais, a rien qui a été fait. Au HPI, au TDAH, ouais. Etc. Bon, c'est pareil, c'est effectivement. Il y a un effet de mode. Un petit peu Thierry dit sur l'histoire de. Un petit peu de mode parce que l'enfant qui arrive à 3 ans, ah, il connaît ses couleurs et tout, il est super doué. Non, non, mais alors, j'entends. Ça, on a toujours eu ça, mais c'est pas. J'entends, mais cela dit, le statut de HPE, HPI, etc., il existe. Il existe, mais c'est pareil. C'est pas la question. Ça se diagnostique pas à 3 ans. Ouais, c'est un petit peu plus tard. Ouais. C'est pas parce que tu connais tes couleurs que. Non, non, mais on est voilà, d'accord. Et puis, c'est pas le parent qui peut diagnostiquer. C'est pas parce que tu fais des exercices de la classe du dessus que t'es HPI. Voilà, c'est pas parce que tu sais faire des trucs que. C'est pas faire que t'es HPI. C'est donc, voilà, on peut mettre fin à des débats comme ça très rapidement. Je ne dis pas qu'il y en a pas. Dis que effectivement, c'est un petit peu ouais. Tout est n'importe quoi. Oui, parce que là, dans notre discours, il est un petit peu blâmant aussi en disant voilà, la personne là qui écoute et qui HPI par exemple, elle se dit bah moi le diagnostic a pas forcément été fait en temps et en heure. J'ai eu des difficultés à l'école où j'ai été exclu de mes camarades de classe parce que j'étais différent en fait. Bah, j'étais différent voilà et en fait cette différence là, elle n'est pas visible. Tout ce qui est mental n'est pas visible, c'est plus compliqué. C'est pareil, là je pousse sur un truc, c'est qu'il y a du jugement sur ça. Justement, les gamins qui sont un peu différents, on va les juger sans essayer de comprendre pourquoi en fait. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être s'intéresser à ça quand même. Alors que quand il y a un diagnostic de posé, même l'enfant. S'il a conscience de ça, peut dire très simplement, hein, sans, c'est ni mieux ni moins bien, c'est juste que je suis comme ça, et c'est conscient. Voilà, et donc les camarades de classe peuvent aussi mieux l'accepter, je pense. Ouais. Il peut y avoir des choses mises en place autour de ça et tout, effectivement. Mais souvent, c'est pas la personne qui, effectivement, ou même la famille de l'enfant HPI qui va se mettre en avant à la porte de l'école en disant le mien, il est comme ça. Oui, non, souvent, celui qui est comme ça, c'est. Ouais, ça, c'est un concours de. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas les parents non plus qui vont le dire en règle générale, parce que. Des parents qui ont un enfant vraiment HPI, ils vont éviter d'en parler ou alors ils vont en parler à leurs amis intimes, j'ai envie de dire. Ouais, ils vont pas se mettre parce que pour eux, c'est compliqué à aborder. Problème. Ouais, c'est pas, enfin, un problème. Je sais pas que c'est négatif. Mais c'est plus difficile pour eux en tant que parents handicap, à gérer. Ça fait partie des handicaps pour l'enfant et même pour les parents ça dans la gestion. Ça peut avoir certains avantages, on va pas se mentir. Ça peut avoir des avantages d'être HPI, mais la plupart du temps, pour des parents, avoir un enfant HPI. C'est compliqué. Ouais. Mais c'est différent à gérer. Ouais. On parle du diagnostic de prise en charge, etc. Mais c'est intimement lié avec ce dont nous parlions avant, c'est-à-dire les déserts médicaux, etc. Parce que des fois, tu peux souffrir de quelque chose. J'entends dire, on parle de HPI et tout. Enfin bref. Mais j'entends beaucoup parler d'endométriose et des femmes qui en souffrent depuis X années, etc. Et elles souffrent et effectivement. Un certain nombre de spécialistes. Alors c'est pas exactement ça, mais j'étais très attaqué à ce niveau-là et j'ai eu 10 ans d'errance médicale moi. Donc, et effectivement il y a des errances médicales parce que sur notre territoire il n'y a pas nécessairement la spécialité qui fait que les spécialistes de ces maladies-là en fait. Effectivement, donc là ça se démocratise un peu plus et on entend beaucoup plus parler et c'est plus facile peut-être. Mais... Alors justement sur la prise en charge, que ce soit là on va prendre le handicap d'une manière très très globale, la différence, le handicap, etc. Il y a plusieurs aides qui existent aujourd'hui. On commence par les aides financières. Il y a la AAH, qui est l'allocation aux adultes handicapés, qui garantit revenu minimum aux personnes qui sont handicapées. Donc, un certain pourcentage de handicap. Un certain pourcentage qui a été évalué. Qui a été évalué normalement par le médecin. Ça, et du coup, c'est des démarches assez longues. C'est des démarches très compliquées. Est-ce que c'est en rapport avec ta vie? C'est pas 80%? Alors ça peut aller jusqu'à 80%. C'est tout à fait formidable. Du coup c'est 80% de ton métier d'avant, de ce que tu gagnais avant. Non, 80% de handicap. Oui. Ah oui. Donc, et donc ça donne une somme en fait, c'est ça, En fait à chaque pourcentage correspond à. Tu peux avoir ça comme ça, ouais. Non. D'accord. C'est que alors il me semble que à 80% tu peux toucher le truc. Donc si t'es avant, à 75%, t'es niqué. C'est mort. D'accord. Vois ça plutôt par palier en fait. techniquement, j'imagine, on va dire des conneries, voilà, à 50%, tu peux avoir tel revenu. Je suis pas sûr de ça, Teddy. Moi, je te l'assure. Mais moi, je me pose une autre question. Est-ce que, par exemple, tu travaillais, t'es devenu handicapé, comment ça marche par rapport à ton emploi que t'avais avant? Si tu peux plus gagner ton salaire, tu peux plus travailler. Je crois que Patrick a un truc à dire. Eh ben, on va bien en parler. Génial. Ouais, bah, viens, rentrons dans le vif du sujet. Ouais. Ben, j'ai mon épouse qui a fait un AVC, un gros AVC. Ah oui. Ouais. Il y a 4 ans. Ouais. Pronostic vital était engagé. Hein. On lui a ouvert le cœur, 4 cailloux, le cerveau, enfin tout et tout. La totale. La totale. Aujourd'hui, Valérie a retrouvé 80%, on va dire, de bien. Ok. Donc le handicap est de 20%. Si on... L'handicap, une partie physique, ouais. Mais il y a tout l'handicap cerveau. Ah oui. Ouais. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, le cerveau est passé. Qui a été évalué. Oui, qui a été évalué. Ok. Sachez qu'on parlait des aides et tout ça, aucune aide. Ah! Bah ouais, mais. Aucune aide. Ah ouais? Pour avoir, un exemple, Valérie, on a dû racheter une voiture, adapter la voiture. Pour elle? Ouais. Alors ça, par contre, sur le bien matériel, il y a toujours un. Alors il y a eu une aide. Ouais. Mais imaginez, on en revient toujours. C'est le PCH. Ouais, et. Enfin, c'est ça l'aide. Mais c'est un dossier mais complètement ouais, ouais, à monter c'est... pour une somme de 2000 euros qu'on avait besoin. On les a mis parce qu'on les avait. Une voiture. Imagine, il fallait racheter une voiture automatique. Il fallait qu'elle repasse le permis de conduire. Ah oui. Oui, elle a un permis de conduire de 3 ans. Et là, elle a fait la demande pour avoir la carte d'handicapé pour se garer. Imaginez, parce qu'elle arrive à marcher 200 mètres, elle n'y a pas droit. Ah, d'accord. Voilà. Vous voyez un peu. Ouais, en fait, Patrick, ce que tu es en train de dire, c'est que les critères d'obtention de ces aides ne sont pas forcément justes. Et le coût des paliers, comme tu disais, Teddy, il est peut-être à réévaluer parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont un handicap. Et notamment, on parle du handicap mental, mais ça peut être du handicap physique aussi, puisque dans ce cas-là, qui est pénalisant. C'est un handicap. Oui. Voilà, et pour le coup, il n'y a rien au-delà d'un certain seuil. Ce que je disais, c'était pas 80%. On peut dire encore aujourd'hui. Bah merci aussi les personnes qu'on a à la sécurité sociale. Grâce à ça, ils ont quand même sauvé Valérie. On a eu les moyens. Ouais, sur le médical. Ouais, ouais. Sur le médical. Ouais. Voilà, il y a quand même cette partie. Il faut qu'on faut être aussi. Mais il y a, vous voyez, c'est. Faut ramer quand même beaucoup pour avoir quelque chose. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Il faut passer par des médecins et des conseils et des machins et des. Mais trucs ne serait-ce des... que la voiture, en fait, comme tu as dit, il y a très très peu d'aide. Ah oui. Parce qu'ils considèrent que, au pire, tu te déplaces pas. C'est pas grave. Tu prends pas la voiture. Mais imaginez. C'est ça, imaginez le truc. Aujourd'hui. Vous êtes en pleine activité, d'un seul coup, t'as plus le droit de travailler, t'as plus le droit d'être une chaise. Ouais, c'est dur. Ouais. Même la prise en charge. Ouais, j'ai fait faire une salle de bain, ça nous a coûté 18 000 euros. Et là, il n'y avait pas de. Bah oui, parce qu'une salle de bain, ça coûte très très cher, une salle de bain. Aménager une salle de bain avec. Avec l'italienne, faire une petite marchette, tout ça, on a mis 18 000 euros. Et au-delà de l'aide matérielle, pour le coup, une aide, comment dire, une prise en charge psychologique serait, à mon avis, que ce soit pour l'époux, enfin le conjoint, ou pour la personne en règle GA. Parce que, effectivement. Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'ils ont un suivi psychologique du coup? Est-ce que. Il y a une partie qui est prise en charge. Maintenant, elle fait des suivis. Mais c'est pris en charge, ça va. C'est pris en charge. Okay. D'accord. Le kiné, l'orthophoniste, vous imaginez qu'il a fait 4 ans et demi, elle va toujours chez l'orthophoniste. Mais tout l'aménagement aussi, on parle parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais tous les aménagements pour avoir un couteau pour couper ou un épluche des légumes. C'est des petites choses des fois. Elle a une table où, avec des pointes, elle met la pomme et comme ça, elle peut l'éplucher. Et ça, est-ce que ça, parce qu'il y a par exemple des ergonomes qui existent, qui évaluent les besoins, etc. Mais vous voyez que c'est tellement très délicat qu'aujourd'hui, on est toujours encore l'histoire des budgets, des machins, qu'on ferme les robinets, de tout. Ouais. Et aujourd'hui, malheureusement. C'est très mal pris en charge. Ça va être de plus en plus dur à être mis en pris en charge. Et si on n'a pas un peu d'argent, ça va que nous, on a une certitude. Ça va être dur. En tout cas, on salue Valérie, votre épouse, et on lui souhaite que des bonnes choses. Aujourd'hui, elle est là. Hein. Ouais. Mais t'as dit tout à l'heure, tu parlais du cas où on travaille et à un moment donné, voilà, il nous arrive un accident dans la vie, au travail ou dans la vie hein, en règle générale, et on ne peut plus travailler ou on doit travailler différemment. Alors il y a quand même des choses qui existent. Je parle notamment des entreprises qui ont plus de 20 salariés qui ont l'obligation normalement d'employer au moins 6% de personnes handicapées. Elle existe. Voilà, alors c'est son seul mérite. Vraiment. Elle existe. Après, je dis obligation. C'est pas une obligation puisque en fait, voilà. Sinon, ils peuvent payer une contribution financière, tout simplement. Et ils font certains d'ailleurs. Et certains le font parce qu'ils estiment que finalement, ils sont plus. Ça les arrange. Ça coûte moins cher, peut-être. Productif que d'embaucher des personnes handicapées. Il y a des subventions aussi qui sont proposées aux employeurs pour embaucher des personnes handicapées et notamment pour maintenir l'emploi. Des travailleurs handicapés. Alors ça passe notamment par des outils hein, qui sont mis en place. Patrick, tu parlais au niveau de la salle de bain, etc. Ouais. Mais là c'est pareil. En fait, dans une entreprise, il y a des outils qui peuvent être en place sur les postes bureaux, de travail. Tout ça. Exactement. Ouais. Voilà des financements pour aménager des postes de travail. Et c'est tout à fait vrai parce que pour Valérie, avant qu'il la mette, parce qu'elle n'aura plus jamais le droit de travailler. Hein. Maintenant, il n'a pas au travail. Ils sont allés à son travail, alors. Mais comme le cerveau a touché, elle peut plus et l'adaptation de son travail ne pouvait plus. Ils ont dit, madame, alors. Elle a une chance, c'est là on peut dire aussi, fait partie du groupe Bolloré. Bolloré, oui, le yacht. Hein. Oui. Bon, ils ont beaucoup d'argent. Comme ils ont fait plus ou moins une faute un peu professionnelle à ce niveau-là pour Valérie, ont pris tout en charge. Aujourd'hui, Valérie, elle est payée à 50% par la Sécurité sociale et 50% par les assurances qu'ils ont Bolloré. D'accord, ok. On a un peu cette chance quand même. Ouais, mais c'est la suite d'une faute professionnelle. C'est un petit peu une faute. Ah oui. Ouais, ah oui. Parce qu'imaginez que, voilà, on va pas raconter un petit peu, mais. Son entreprise m'a appelé, ils m'ont dit oui, Patrick, Valérie, tu viens chercher. J'ai dit non, vous m'appelez tous les organismes. Et tout. Je suis arrivé à travailler, je suis arrivé à son entreprise, je voyais toujours Valérie par terre et tout, toujours pas d'ambulance. 25 minutes après, les ambulances arrivent. Deux médecins, bah, des médecins, même pas des chauffeurs de VSL. Des ambulanciers. Des ambulanciers, même pas. Oui, madame, vous avez mal où ? Madame, madame. Et le temps passé. Ah, bah, j'étais en stage. Ouais. Et le temps passé. Et d'un seul coup, il me dit bon, on va quand même l'emmener à l'hôpital. Ah, bah, sûrement, si elle a fait un AVC, la pauvre, oui. Oui, et. Vous êtes tombé sur des champions. Ouais. Et voyez, et malheureusement, on en revient aussi que. Il n'y a plus. Parce que les pompiers, ils ne sont pas déplacés. Ouais, et voyez, manque de personnel. On en revient toujours. Hein, on ne va pas généraliser le truc, mais c'est vrai qu'on entend souvent des histoires comme ça, ne serait-ce que le mois dernier, voilà, où il y a une gamine qui est comme ça, qui est restée parce que les urgences ne sont pas déplacées. Mais parce que, effectivement, derrière, l'engorgement. Manque de moyens, engorgement, etc. Quoi, et on filtre, sauf que des fois, on filtre mal. Hein, voilà, on prend des priorités et puis on en laisse d'autres qui. Il serait aussi prioritaire et ça peut aller jusqu'au drame quoi. Juste une chose pour revenir sur le handicap, on parlait tout à l'heure notamment des démarches administratives qui peuvent être très compliquées et j'entends et je l'ai vu effectivement c'est le cas. Il y a des maisons départementales des personnes handicapées, la MDPH, qui sont présentes dans chaque département. Elles sont là et je le dis et je le répète, voilà, elles sont là pour accompagner les personnes qui souffrent de handicap. Alors Personnes et leurs familles, j'imagine, dans les personnes et leurs familles, voilà. Après, ça implique qu'il y ait une famille, d'accord ? C'est-à-dire qu'une personne qui a un handicap qui est livrée à elle-même, elle a effectivement potentiellement cette aide. Cela dit, il faut aller la chercher, cette aide. Donc, faut savoir qu'elle existe aussi déjà. Il faut y aller. Faut faire la démarche pour y aller. Alors, voilà, là, on est là pour en parler ce soir. Mais, parce que c'est vrai qu'ils font pas beaucoup de pubs sur ce genre d'aide, bizarrement. Non, ils font pas beaucoup de pubs, effectivement. Et puis, il y a un accompagnement. C'est comme, je sais pas, enfin, c'est dans plein de domaines, mais une personne qui sera un petit peu en marge de notre société, elle n'a pas forcément ni connaissance des structures qui existent et va pas forcément faire le premier pas. Donc c'est finalement en fait il faut avoir un accompagnant pour être accompagné quoi. C'est ça, un petit parce peu que ça dépend le handicap aussi après à partir d'un certain niveau d'handicap tu es mis sous tutelle. C'est ça, si ça dépend ton handicap. Ouais, ça dépend, à condition d'être diagnostiqué, à condition d'avoir justement ce pourcentage qui soit pour pouvoir faire un dossier où là tu peux être accompagné pour faire ce dossier si effectivement tu as été je dis pas mais dans certaines conditions tu peux avoir la chance d'avoir un tuteur. Oui. Du coup, qui peut en général, c'est pour un handicap mental. Généralement, c'est pour un handicap mental, ouais. Après, je sais pas, je suis pas trop renseigné là-dessus, mais il y en a certains qui ont peut-être ni tuteur ni famille effectivement et qui sont livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas conscience qu'il y a possiblement une maison départementale. Les personnes n'ai oublié l'acronyme. La MDPH. Merci. La MDPH qui gère aussi les dossiers de handicap. J'ai un sacré handicap moi aussi avec les acronymes. En règle générale. est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur le débat? Ouais. 1016 euros. Lâche. Ah, d'accord. 1016 euros. Ok. À condition d'être à au moins 80%. 80% ah oui, d'accord. D'accord. Okay. Effectivement, ce que tu avais raison, entre 50 et 79%. Il y a une baisse par contre ça tu touches quelque chose mais il y a une baisse substantielle de ton allocation. Je connais le handicap de Théo. C'est quoi ton handicap, Théo? Je connais un de ses handicaps. Ah, c'est si, Nina Attal. Bah oui, c'est un gros pourquoi handicap. C'est un handicap? Parce que tu l'aimes tout le temps d'elle. Bah oui, et bah alors oui. Eh ben c'est un handicap. À quel moment c'est un handicap d'avoir l'une des plus belles et talentueuses guitaristes françaises? Mais comment c'est pas belle quand même. Et talentueuse. Voilà, tu vois, il est là le handicap. Ça y est, vous avez entendu là? C'est on écoute ton nouveau single. Ça s'appelle Backdoor. Ouais. Effectivement, et c'est un nouvel album qui paraîtra très prochainement. Et c'est Nina Attal évidemment qu'on écoute sur Indestar en découverte que chez nous hein. I've just gotta pay rent for a house she never could stand. Living on the seaside, I never liked the fields he said. Résumons ce qui va suivre. Il est avéré que les chats... comment ça c'est avéré? T'as demandé à un chat pour dire ça ou un... Non mais un chat ça peut pas parler. Ah bah c'est pour ça qu'elle peut pas dire que c'est avéré. Bah oui mais il y a une étude. Ouais parce que les études c'est la vérité maintenant. Non mais bah voilà. Le débat c'est ce soir sur Indestar. Et on croit pas comme ça mais c'est absolument passionnant. Eh oui on est sur Indestar et les chats sont... présent dans l'émission aussi et en parle du débat. On pourrait faire un débat sur les chats mais bon on a choisi la santé ce soir. Et oui, et on va parler charge mentale dans notre société moderne. Est-ce que c'est une question de genre? Est-ce que c'est plus chez les hommes, chez les femmes? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai mon idée. Mais déjà, il faudrait le définir. Qu'est-ce que c'est une charge mentale? Voilà. Alors, la charge mentale, c'est le poids psychologique qui est lié à la gestion simultanée de multiples tâches, des responsabilités et préoccupations. Non, Google, hein, simplement. Soit perso ou pro, mais on va reparler du pro tout à l'heure. Hein. À la maison, ça va être par exemple, je donne un exemple très concret. On est à la maison, on veut planifier, organiser des tâches. Les vacances. Non. Ça peut être les vacances. Ça peut être un stress d'organiser les vacances. Oui. Hein. Mais. Linda parle avec le cœur. Ouais. Ça peut être. faut acheter du beurre pour le gâteau pour dimanche. Faut payer la facture d'eau. Faut penser à se rendre chez le médecin à 17h. Faut organiser. Oh là là, ça y est, déjà, l'anniversaire de Lydia, tu vois, tout ça. Quoi. T'as dit que des phrases en règle générale. Ouais, mais t'as vu comme ça monte là? Ouais. Alors, Linda, tu te sens bien dans le rôle de dire toutes ces phrases, on est d'accord? Ouais. Linda se sent là. Alors, vas-y sur. Non, mais tu l'as très bien exprimé. C'est des tâches qui sont les unes après les autres et dans ta tête, ça fait pam, pam, pam, pam, pam. Mm-hmm. Et ça s'arrête jamais, oui, en fait. Je suis d'accord avec toi. Et 60% des femmes ressentent cette charge mentale. Wow. Régulière, liée aux tâches de la famille. Et 90% des hommes reçoivent cette charge. Et liée aux tâches familiales et domestiques. Oui. Parce qu'apparemment, on est quand même vachement plus chargé, nous, que vous. Alors. D'accord. Alors, défendez-vous. Alors, est-ce que c'est factuel ou est-ce que c'est une opinion? Ah, allez-y, les gars. C'est vrai que pour être chargé, Linda, elle est chargée. Si c'est factuel, alors il faut donner une donnée. Par exemple. Parce que là, non, mais t'as dit 60% des femmes. Ouais. J'entends. Et le pourcentage des hommes, il est où? Et le pourcentage des hommes, est-ce que tu l'as? 40% peut-être. J'ai tenté mais ça marche pas. Ah ouais. Non mais je sais pas les hommes. Dites-nous. Non, je l'ai pas du coup. 100% des hommes. Tu vois comment c'est orienté, Théo? J'ai orienté mon débat vers. Elle a fait ses recherches. Bien sûr, évidemment. Que sur. C'est par rapport. Non, mais alors, attends. Il y a quelque chose quand même que j'aimerais mettre. Après, vous avez le droit de me contredire, vous avez le droit d'argumenter. On va admettre que effectivement, historiquement, par rapport aux tâches que j'ai listées tout à l'heure, et non pas justement sur le travail, il y a une partie plus importante de la charge mentale du foyer, et j'insiste sur le foyer, qui revenait en plus grande partie à madame, pendant que la charge professionnelle, historiquement, revenait en plus grande partie à monsieur, puisque c'est monsieur qui travaillait, c'est madame qui était à la maison. Et dans certains cas de figure, ça peut toujours être le cas actuellement. Même si madame travaille, d'ailleurs. Je place ça. Non, mais même si madame travaille, effectivement. Mais est-ce que c'est le cas quand on a une vie de célibataire? Ah, c'est autre chose. Est-ce que c'est le cas quand madame travaille et monsieur est à la maison et s'occupe en majorité de la garde des enfants? Est-ce que c'est le cas quand les deux parents travaillent et, comme beaucoup de couples modernes, la répartition des rôles au sein du foyer est, on va dire, équilibrée? Alors oui, madame peut penser davantage à l'anniversaire de Lydia, mais monsieur a aussi pensé à aller avec son pote à acheter Alain, acheter du pain ou couper du bois pour l'hiver, pour le truc. Et là, j'ai fait exprès de rentrer un peu dans... Vraiment, non, mais de rester dans les clichés à monsieur coupe du bois et madame, voilà. Mais je veux dire, dans les deux cas, la charge mentale, elle est présente. Donc, au-delà de la question de genre, qui pour moi, effectivement, est un peu plus compliquée que de simplement dire madame a sa charge mentale parce qu'elle doit s'occuper de ça et ça, alors que chaque foyer est différent, est-ce qu'on serait pas plutôt sur une remise en cause globalement de notre société moderne qui nous implique de la charge mentale? Et puis, j'ai aussi autre chose, et là vous pouvez m'arrêter là-dessus, je pense qu'aussi la charge mentale, elle est liée à notre personnalité. Oui. Je m'explique, tout à l'heure, Linda, tu disais, voilà, il y a ça, plus ça, plus ça, etc. On connaît tous dans notre entourage des personnes qui sont stressées pour toutes les choses de la vie. Pour tout. Et on connaît tous aussi dans notre entourage des personnes qui sont à la cool pour tout. J'avoue. Dans les deux cas, la charge mentale, elle ne sera pas la même. Et pourtant, les tâches seront les mêmes. Juste parce que, ouais, c'est pas grave, j'ai pas été chercher le pain. Bah, on a plus de pain à midi, on s'en fout. Alors que l'autre personne sera, merde, j'ai pas été chercher le pain. Oh là là, la fin du monde. C'est la fin du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est la façon de voir. Voilà. Et en fait, alors ça, c'est propre à chacun. Et malheureusement, on a du mal à contrôler tout ça. Mais en tout cas, je pense que ça induit la charge mentale pour la personne. J'avoue, c'est vrai, c'est une belle explication. Mmh. Mais... Ah, t'as convaincu Linda. Non, mais c'est vrai. Linda est redescendue de quelques... Ça n'empêche que beaucoup de femmes sont quand même... T'as marqué les points. Ah, mais ça, je... Oui. Moi, je garde l'idée qu'on est nombreuses à avoir la pression parce qu'on se met la pression, parce qu'on est comme ça, on fonctionne comme ça en fait. Tu as totalement raison, c'est totalement votre faute. Mais après, attendez, on ne fonctionne pas comme vous, messieurs. C'est tout. Ouais. C'est non, ça. Mais après, il y a quand même aussi, il ne faut pas totalement être de mauvaise foi. Moi, j'aime bien. Attention, André. Je dirais historiquement, peut-être que les femmes s'occupaient davantage des enfants, etc. De la maison. Il y avait des rôles c'est qui étaient hein. Oui, un peu quand plus... Même. Voilà, même si la femme ne travaillait moderne. Peut-être pas et l'homme... je sais pas, c'était autre chose, quoi. Mm-hmm. Mais, je sais pas, mais même aujourd'hui, mais moi, ce que je vois dans le moderne aujourd'hui, c'est encore là, quand même. Moins, quand même. Oui, moins, c'est encore là. Il y a quand même des messieurs qui en profitent bien parce qu'ils savent que certaines femmes, elles sont comme ça, en fait. Ouais, mais est-ce que tu penses pas... Bah, alors, là, parlons de couple moderne. Alors, effectivement, les restes du patriarcat sont encore présents, mais en même temps, à un moment donné, il y a quelque chose... Coupe moderne, en fait, même par choix, on peut faire ce choix qui ressemble à ce qui se faisait c'est à l'époque. Vrai. Oui, tu as raison. Mais juste parce que c'est logique. Ouais, ou par mimétisme, en fait, tu copies ce qu'ont fait tes parents, mais... etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est plus qui est factuel, c'est-à-dire que par exemple, une femme va travailler aujourd'hui. C'est courant, hein, c'est admis. Voilà, la femme va travailler, l'homme va travailler. Si les deux travaillent, bon, et il y a des enfants dans le foyer, il y a de fait. Obligatoirement une répartition des rôles et donc forcément une répartition de la charge mentale ça au sein se du fait, foyer ouais, ça se fait. Parce que bah sinon voilà on a que 24 heures dans une journée tu vois à un moment donné c'est pas faisable après, donc sinon c'est pas faisable sinon on arrive au burn-out qui sera le sujet d'après c'est quoi. Ça ouais voilà donc mais oui c'est vrai et ça c'est dans les meilleurs cas. Oui, voilà. C'est dans les meilleurs cas. Par contre, sur la charge mentale, y a quand même quelque chose, si on globalise hein, la charge mentale homme ou femme, je parlais tout à l'heure de notre société, on parlait beaucoup moins de ce mot charge mentale, qui je trouvais un petit peu trop à la mode actuellement, mais ça implique quand même malheureusement, ça implique un mal-être. Brigitte a dit qu'elle connaissait pas. Ah, je veux entendre Brigitte, moi. Bah, excuse-moi, non, mais ce mot est tout à fait récent. Oui. Alors que les charges. Comme HPI, comme. Les listes. Bon, mais les listes de l'homme ou de la femme, enfin, oui, je veux dire, il y a des choses à faire. Les choses à faire, c'était des choses à faire. Moi, charge mentale, c'est un mot tout à fait nouveau, quoi. Oui, mais alors, ça met quand même le doigt sur quelque chose. C'est une charge. Et notamment un malaise global, alors qui, certes, existait, et à mon avis, a toujours existé. Cela dit, est-ce que dans notre société moderne où l'emploi, la rentabilité, la productivité, toutes les choses qu'on nous met en avant, il faut être efficace, il faut être le meilleur, il faut être etc. Est-ce que ça ne rajoute pas de la charge mentale globale? Est-ce que c'est pas la cause surtout? Est-ce que voilà et est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que cette charge mentale peut pas mener à alors, on parle de burn-out, mais ça peut mener aussi, malheureusement, à d'autres dérives. Je sais pas si Patrick, tu veux, Oui. On parle de la charge mentale d'une femme. Alors moi, je vais les défendre un peu. Ah, merci. Oh, vas-y, cool. Voilà, parce que moi, comme je vous ai expliqué, je suis président de la santé de la famille sur les addictions, sur les produits. Je vais être honnête envers vous et tout. Je suis malade. J'ai la maladie d'alcoolisme. Ça fait 2 ans que je suis abstinent. Pour des raisons et tout. Mais dites-vous aujourd'hui que la femme, la charge mentale, elle l'a encore pire que nous. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans le monde du travail, elle va travailler avec 10 hommes. Tiens, un autre homme-là. On va revenir sur le travail. Il va falloir qu'elle soit encore 3 fois plus forte. Plus forte. Plus forte. Avec un caractère... Voilà. Mmh. Et malheureusement, de pire en pire, on arrive, c'est qu'elle va rentrer dans une addiction. Mmh. Et en plus... Nous, on va le faire. En plus, elles vont cacher. Ouais. Elles vont cacher leur addiction. Parce qu'elles vont prendre un produit, que ce soit alcool, drogue, tout ça. Pour tenir bon. Pour tenir bon, parce qu'elle a la charge sociale de son travail, parce qu'elle veut. Eh ben, on lui met des dépressions, comme on voit, on en parle assez, la différence des salaires. Ouais. La différence, elle est cadre ou responsable et tout. Elle a tout à gérer, tout ça. Gérer du personnel aujourd'hui, c'est très compliqué. Ouais. Même pour une femme, pour une maître de stress ou tout ça. C'est des dépressions. Et malheureusement, on rentre dans le produit, dans l'addiction. Alors, je mets juste une parenthèse, Patrick, par rapport à ça, c'est que les arguments, c'était vraiment uniquement effectivement sur la charge mentale du foyer. Parce qu'on va voir, j'ai un petit extrait tout à l'heure sonore sur la charge mentale au travail, et on va voir que oui, là, effectivement, effectivement, il y a vraiment un poids qui est sur les femmes qui peut être plus important. Ouais. Vincent ? Et il y a aussi, effectivement, à propos de la charge mentale des femmes, il y a des études qui tendent à montrer que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus machistes, notamment chez les jeunes hommes, sont de plus en plus machistes, qui imposent à ce qu'une femme soit comme ça, comme ça, comme ça. Donc en plus de cette charge qui peut être enlevée par rapport aux couples modernes ou qui se séparent les tâches, bah en fait, il y a cet à côté où elles doivent se dire, bah, je dois être comme ça impérativement pour plaire ou pour ne pas déplaire, etc. Ah là là là là là là. Et du coup, il y a cette charge. Là, tu parles de charge physique, de se préparer comme ça. Voilà, ce qui est une charge mentale. C'est vrai. Ouais. Moi, j'aimerais demander à Léa, c'est la plus jeune à ton âge, parce que c'est vrai qu'on parle de ce mot, charge mentale, etc. Est-ce que déjà c'est quelque chose qui te parle? Et est-ce que je vais aller même plus globalement, puisque là on parlait d'une question de genre, est-ce que tu ressens à ton âge une pression qui serait liée à ton état de femme et non pas à ton état d'humain? Tu vois ce que je veux dire? Alors non, mais dis-moi, c'est une question difficile. Je reformule, sinon il n'y a pas de souci. La charge mentale, on est d'accord, c'est par exemple, on a oublié de faire un truc. Oh oui, en fait, c'est la pression. C'est la pression que tu vas te mettre par rapport liée à cette tâche-là. En tant que femme, en tant que toi. Personnellement, je dirais que c'est plus sur les cours, tout ça. Oui. Imaginons, tu oublies de faire un truc pour les cours. Oh, non, je vais avoir une punition. Oh, oui, mais ça brûler. Rentre pas en jeu dans. D'accord, c'est parce que ta question était portée sur une charge mentale de jeune. Non, mais je voulais savoir si justement, voilà, elle sentait de la charge mentale et si justement il y avait des choses qui étaient liées à sa condition féminine, ouais, tu vois, où on est dans du global, c'est-à-dire que à la limite, ton copain Alex, il va pouvoir ressentir la même charge mentale. Ah ouais, donc. Et après, par rapport au genre, alors là, je ne sais pas. Est-ce que tu le ressens? C'est juste à ton âge. Hein. Pas peut-être pas. Non. Alors faut indiquer qu'elle a 16 ans. Oui. Donc c'est jeune. Hein, quoi, non, mais bien pour sûr, vivre mais ça. Mais elle pourrait nous dire ça, oui. C'est le discours mais de quand maman. Même, elle est déjà en train de nous dire. Moi, les devoirs, j'ai pas fait mes devoirs. Mais bien sûr. Mais tu sais que ma sœur a 6 ans. C'est un stress. À 6 ans, elle avait le cœur noué parce qu'elle avait le contrôle de lecture. Ah oui, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure par rapport à la personnalité. C'est parce que, alors moi, le contrôle de lecture, le contrôle de maths, si j'ai pas révisé, mais rien à faire. Je savais que j'allais avoir une mauvaise note, mais ça m'affectait pas plus que ça. Mais alors, du coup, moi, je vois pas trop la différence. Enfin, entre stress, enfin, moi, c'est ce qu'on appelle en ce moment charge mentale. Là. Moi, j'appellerais ça stress. Charge mentale, ça englobe pas mal de choses au final. J'ai un contrôle, etc. Enfin, c'était l'espèce de tension. La charge mentale, moi je le définirais un petit peu comme un ensemble de stress qui vont générer. C'est un ensemble de choses, en tout cas. Mais le stress, ça en fait partie. Ouais. Je dirais. Stress, anxiété, je sais pas, on peut rajouter d'autres états qui vont avec ça, mais le fait d'oublier, c'est une des choses qui rentre le plus dans les charges mentales. Hein, comme disait Linda, si son mec a oublié de faire ça, bon, bah, c'est la femme qui va le faire et tout ça. C'est une charge mentale souvent liée à l'oubli. C'est souvent celle qui est mise en avant, et mais au il y en a d'autres. Et au contrôle aussi, hein. Et au contrôle, ah oui. Non, mais c'est autre chose, ça. Mais aussi de... Oui, mais il y a d'autres trucs. C'est juste que c'est celui-là qui est mis le plus en avant. Donc là, comme disait Léa, oublier ses devoirs ou stresser parce qu'elle va avoir ses devoirs, c'est une charge mentale. À son âge, qu'elle a. De son âge, adapté effectivement à son train de vie, à ce qu'elle a fait. Donc oui, elle est scolaire, donc oui, les contrôles. Par contre, il y a d'autres gens, comme disait Théo, hein, à l'école, mais aucun stress. La c'est vraiment belle. Une façon de voir les choses. J'ai en eu fait. 4 à mon contrôle, ouais. Mais je m'en balais. Alors que c'est une perception de la vie. C'est une perception. Oui. C'est ça. Une charge mentale, c'est une perception qu'on se met. Pas nécessairement, en fait. Bah, ça dépend. Non, mais ou qu'on si nous impose aussi, des fois. Si, je sais pas, t'es une femme et t'as 3 gamins et que t'as un mari t'as qui un peu t'aide, de pression, ouais. Qui t'aide app parce que c'est comme pour ça. Lui, c'est comme ça. Ouais. Bah là, pour et le coup, en fait, tu dois penser au premier que tu dois emmener à la piscine, lui qui doit aller au dentiste le jeudi, etc. C'est finalement quelque chose qui s'impose tu à toi un aussi. Un peu le pas forcément. En fait. Mais alors, parce que tu peux le quitter. Non, mais là, t'es dans l'extrême. Non, mais je suis pas vraiment dans l'extrême. Non, mais du coup, j'ai juste je mets juste une parenthèse du coup sur le mental. Tu vois, c'est une charge. Oui, c'est un fait. C'est-à-dire que t'as 3 enfants à t'occuper, t'es toute seule ou t'es tout seul. Tu vois, pour t'occuper de tes 3 enfants, c'est une charge. Après, est-ce que une charge devient forcément une charge mentale, c'est-à-dire quelque chose qui va te prendre un espace du cerveau et qui va t'empêcher de vivre correctement, ça va engendrer tout un tas de choses. Ça peut engendrer des addictions, mais ça peut engendrer des insomnies, ça peut engendrer de la fatigue, ça peut engendrer tout un... Voilà, il y a différentes choses que ça peut engendrer. Est-ce que forcément une charge devient une charge mentale, tu vois, c'est ça la question aussi. Ça dépend comment on la traite, en fait. Comment on la traite, ouais, comment le cerveau la traite, quoi, mais la personnalité. Bon, ça dépend. Ouais, parce que là, par exemple, dans le cas d'André, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu la traites comme une information où tu n'as pas le choix de te faire aider par ton mec, mais lui, pour lui, c'est normal qu'il t'aide pas. Donc tu traites ton information comme ça. Non mais c'est con, hein, ce que je dis, parce que c'est la facilité, ce que je viens de dire, tu le quittes, voilà. Ça se passe pas souvent comme ça, mais c'est vrai que techniquement, c'est une façon de penser qui est différente, ouais. Et qui t'obligerait à pas avoir une charge mentale aussi importante, parce que imaginons que tu sois tout seul à faire avec tes trois enfants. Tu vivrais ta charge mentale différemment. Tu la verrais peut-être même pas avec toi. Je suis pas sûr. Je t'assure que si. Moi, je vais être moins violente que toi. Non, mais tu as de la frustration peut-être parce que. Non, mais parce que voilà. Mais tu vivrais pas ta charge mentale comme une charge mentale. Mais... Tu vivrais comme. Bah, c'est. Tu fais ça pour tes enfants. Donc, c'est une charge mentale. Mais c'est pas pareil. Là où tu as raison, c'est que moi, j'ai une copine qui. Son ex-copain ne s'occupait pas de l'enfant qu'ils ont en commun. Bon. Il a fallu qu'ils se séparent pour que, réaliser, c'est une garde alternée. Donc maintenant, ouais. En fait, il serait resté ensemble et en fait, il n'aurait pas, il ne se serait pas occupé de père. Il y a peut-être d'autres solutions. C'est un peu violent. Moi, je pense que la communication dans le couple, c'est la solution. Ouais, voilà. Mais là, Linda. On peut passer au sujet suivant. C'est ça. Romain Ghetto. J'avoue. Non, mais oui, mais effectivement, on en vient à ça. La charge mentale, dans le mot charge mentale, il y a charge. Et charge, normalement, c'est réparti. En tout cas, dans un couple, c'est censé être réparti. Dans un camion aussi. Dans un camion aussi. Non, mais c'est vrai. Si tu répartis pas ta charge, tu peux partir. On est vachement dans les voitures et dans les camions quand même. Non, mais c'est vrai. Donc, charge mentale, les trucs dans notre tête qu'on doit faire, qu'on est obligé de faire, qu'on a du mal à faire ou qu'on a du mal à faire à l'autre ou voilà, ou à partager en tout cas, ça peut être ça, charge mentale, Brigitte. Je sais pas si on t'a éclairé un peu. Ouais. Et c'est vrai que la charge mentale, rappelez-vous, pendant le Covid, le couple travaille à la maison, télétravail. Mmh. Les trois enfants à la maison. C'est une charge mentale d'avoir les autres à côté de soi. Et avoir les enfants à la maison, ouais, à côté, le télétravail, la vie et tout ça, ça a été une sacrée charge mentale aussi pour toute la vie. Vous avez un peu comment... Pour tout gérer, tout s'imbrique, tout fonctionne bien correctement. Ils habitent au 10e étage, tous dans le même appartement, pas bouger. C'était une sacrée charge mentale pour nous. On a une peu de chance, là, on a la chance qu'on habite en campagne et tout. Ça, il faut bien trouver des avantages. Ouais, et ça a été une sacrée charge mentale. Hein. Ouais, ah, mais moi, j'avais trouvé la solution. Ouais. Allez, chasser le Pokémon. Non. Ouais. Non, on va écouter Romain Ghetto. C'est des bêtises qu'il raconte là. Oui. Et encore que. Le titre The Emptiness Machine. The Emptiness Machine cover. Wow. Ouais. Merci. On va t'embaucher, Léa. Donc, cover parce que c'est une reprise de Linkin Park. Voilà, avec la nouvelle chanteuse. Mais là, pour le coup, ça sera pas une chanteuse, mais deux chanteurs. Wow. Romain Ghetto. J'ai vu que c'était une chanteuse. C'est récent en plus. Hein. Ouais, ça fait. Comment il s'appelle ? Ah, chanteur de Linkin Park qui est décédé en 2017. Je n'ai plus le nom. Ben Chenister, un truc comme ça. Chester. Son âme. Oui, et en tout cas, forcément, le groupe Linkin Park n'avait plus de chanteur. Enfin, ils en avaient un, mais il en fallait un deuxième. Et ils ont recruté une chanteuse qui fait un peu polémique, d'ailleurs. Et pour le coup, je trouve pas pourquoi, parce que franchement, elle assure. Elle chante bien. Non, carrément. Bah, écoute, ouais. Et là, on va pas l'écouter. Ah, bah non. Dommage. Allez, c'est super. Alors, on va écouter Romain Ghetto, c'est pas si mal. C'est très bien, c'est tellement même. Bien. C'est tellement bien sur Rhythm. Indestar. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas ? Pas de problème, je vais sur indestar.fr rubrique podcast ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant ? N'exagère pas quand même. Salut, c'est Théo. Bonjour, c'est Mégane. Salut, c'est David. Si comme eux, tu rêves de faire de la radio, viens rejoindre la team Indestar. Pour le deuxième album, t'as choisi de prendre ton indépendance. Est-ce que c'est pour passer sur Indestar ou s'il y a d'autres raisons? C'est l'unique et seule raison. Animation, production, réalisation, écriture, il y a forcément un domaine qui t'intéresse. Moi, c'est le ménage. Oui, y a aussi du ménage à faire, ça tombe très bien. Laisse-nous un message sur le site dans la rubrique Contact ou en MP sur Facebook. T'es Sur Indestar. Yes. Vous êtes sur Indestar et on va débattre du coup sur la santé mentale au travail. Oui, parce que là on a parlé de la charge mentale, globale. La santé mentale dans la vie de tous les jours, vous voyez, hein, quotidienne. Voilà, la vie quotidienne. Mm. Mais la vie quotidienne, elle est faite aussi de boulot, malheureusement. Malheureusement. Oh non. Semaine, non. Ah oui, alors il y en a. Alors ça dépend comment on voit les choses, hein, toujours pareil. Pour ça, je vous ai préparé un extrait. Alors on était se balader sur internet, un extrait donc qui parle de charge mentale au travail. Alors ce que je vous propose, c'est d'écouter cet extrait qui dure quand même un peu plus de 2 minutes. Ah, et puis après, on en parle et on débat. Un premier sondage qui a été réalisé par le cabinet Empreinte Humaine avec OpinionWay, qui date de mars 2023 et qui nous indique que 74%, donc 3/4 des actifs français, déclarent une santé psychologique liée partiellement ou totalement au travail. Une deuxième donnée, le pourcentage de répondants qui expriment une détresse psychologique, alors moyenne ou sévère, une personne sur deux quasiment exprime un état de détresse psychologique moyen à sévère, évidemment avec différents seuils d'acuité. Si on regarde maintenant un petit peu plus par population, on constate quand même qu'on a quelques populations qui sont plus touchées. On constate que les managers expriment de la détresse psychologique. Plus d'un manager sur deux qui exprime une détresse psychologique. Autre population qui est touchée, et on pense que ce sont les femmes, les personnes aussi qui ont plus de 60 ans, et puis ce qu'on peut considérer comme quelque chose de pas forcément une bonne nouvelle pour nous, c'est que les moins de 29 ans, un jeune actif sur deux se dit aussi en situation de détresse psychologique. On constate que la santé mentale au travail est un élément qui va révéler des inégalités de genre. On a une forte prévalence par rapport aux hommes de cet état de souffrance psychologique chez les femmes. Elle est aussi liée à des environnements qui sont peu mixtes, puisqu'il y a un lien entre certains environnements de travail. Le transport, l'entreposage, la construction et l'industrie sont les secteurs où les femmes signalent le plus de détresse, de souffrance psychologique liée au travail. Mais ça n'est pas qu'un effet non plus de la mixité, puisque les hommes sont aussi exposés dans des univers qui sont mixtes, comme l'hôtellerie-restauration, les activités de service. Quand on regarde maintenant un état des lieux encore plus récent, c'est une étude qui a été menée par AXA, on a 39% des salariés qui disent vivre au moins 5 difficultés dans leur travail et qui soulignent que finalement, pour aller mieux, ils ont tendance à gérer les problèmes par eux-mêmes. Avec des solutions qui sont celles d'un retrait en matière d'implication, d'une régulation des tâches, en faisant moins, en recherchant moins de responsabilités, peut-être en se mettant dans un repli via le télétravail, certains envisageant évidemment de s'arrêter ou de faire une pause finalement dans leur activité. Voilà. Ah ouais, c'est violent. Bon, alors, il y a beaucoup de choses hein, dans cet extrait. Si on reprend un peu point par point, alors déjà, bon, un fait qui est assez normal, je dirais, c'est que forcément, le fait d'avoir de la charge au travail se ressent dans notre charge mentale globale hein, et nous impacte aussi à la maison. Presque la moitié à être en détresse psy à cause du travail, alors dans une certaine mesure, hein, évidemment, mais c'est énorme hein, ouais. D'avoir en tout cas de ressentir beaucoup de stress dans notre quotidien à cause du travail. Mais ça va avec notre perception du travail, encore une fois. Ça va avec notre perception du travail aussi. Si on voit ça comme un truc où on doit y aller pour travailler, forcément, on va. Oui, mais alors, attends, prenons ton exemple, Teddy, parce que toi, tu es un passionné. Ouais. T'étais boulanger, on l'a entendu et réentendu ici. Maintenant, sucre-cuitier. T'es sucre-cuitier. Bon, bref. Alors, en tout cas, le travail prend beaucoup de place dans ta vie. Ouais. À mon avis, enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. De ta part, que ce soit en boulangerie ou maintenant, peut te générer du stress qui du coup est lié à ton travail en fait dans ta vie perso quoi. Oui, mais est-ce que c'est si mauvais que ça? Est-ce que des fois des fois ça peut adrénaline avoir ou stress? En fait, techniquement avoir du stress c'est négatif, mais des fois c'est positif. C'est positif quand c'est de l'adrénaline. Moi, perso, quand c'est de l'adrénaline et que c'est temporaire et que c'est voilà et que je suis content au final. Oui. Là, par exemple, j'avais un projet, je devais fabriquer des oursons en bonbons, oursons géants de 60 cm. Donc ça demande de faire des moulages creux en sucre et de coller des pastilles pendant des heures et des heures. Mmh. Chouette. J'avais une petite pression parce qu'il fallait que je finisse avant-hier. Okay. Alors j'ai fini. Avant-hier, mais j'avais une petite pression de deadline au final, ouais. Et ça m'a occupé pendant un moment, ça a pris de la place même sur ma vie perso et tout ça, parce que du coup j'y allais un jour et demi. Je vais aller plus loin, est-ce que ça a pris de la place sur ton couple ou ta vie de famille? Non, ça va, j'avais prévu le coup, donc oui, mais disons que j'avais dit que ce week-end-là, je serais pas disponible. D'accord, okay, et tu l'avais anticipé. Non, oui, mais voilà, parce que ça peut d'accord. Dans certains cas, tu vois. Oui, oui, oui. Voilà, donc, mais disons que l'avantage, c'est que moi, je peux l'anticiper. Je savais que ça allait être compliqué cette période-là, donc j'ai dit à Maëva, ma compagne, que oui, ça va être compliqué ce week-end de se voir ou quoi que ce soit. Donc du coup, c'était acté ça, pour le coup. Du coup, j'ai pu me concentrer à ma... Et ça fait beaucoup du coup. Mais j'ai pu me concentrer à ma... À ma tâche. Mais du coup, il s'est organisé au final, pour éviter toi, ce stress. Toi, tu t'es organisé. Voilà. Voilà, c'est ça. Mais ouais. Je pensais qu'à ça. Ouais. Du coup, c'était un genre de stress, mais au final, je suis content de l'avoir fait. Donc, et tu l'as géré, s'il en faudra fait. Le faire, je le referai. Ouais. Tu rigolais tout à l'heure. Mais demain, tu peux être amené à... Parce que toi, tu as vu ça. Mmh. Mais la personne ton patron, ton responsable et tout, il a dit « Oh, bah dis donc, il arrive. Eh ben, on va lui en recoller la semaine plus, prochaine. » Parce qu'il gère bien. Il gère bien. Ouais. Il est bon. Ouais. Et on va le remettre le mois prochain. Tellement classe. Et après, t'en as. Voilà. Et Teddy serait content. Non, mais... Et le problème... Oui, il y a un problème. Disons problème, que dans un moment, le problème pas... arrive. Ouais. On, c'est pas on voit le et problème, effectivement, mais techniquement, j'ai le choix de refuser. Alors, moi, personnellement, dans mon travail, bien sûr que si. Alors, effectivement, il y a des travails où tu peux pas. Là, dans ton cas, tu peux. Mais en fait, derrière, et là, je reviens sur l'aspect personnalité. Parce que, en fait, toi, t'es pas vraiment du genre, sur ces tâches-là, à stresser pour ça. Cela dit, là... Tu es plutôt du genre, et même beaucoup du genre, à aimer surtout quand c'est quelque chose que voilà que t'affectionnes, donc en l'occurrence ton travail. Passionné. Oui. Passionné et le passion, le fameux métier passion hein, qu'on nous vend. Moi j'ai exercé un métier passion parce que j'étais animateur radio et moi on nous répète. Regardez bon, bah, maintenant il est derrière un micro. Là. J'ai pas beaucoup bougé, mais tu gagnes peu ta vie, c'est pas grave parce que c'est un métier passion. Tu fais 60 heures par semaine, c'est pas grave parce que tu fais un métier passion. Et du coup le curseur petit à petit sans s'en rendre compte, il est poussé un petit peu plus loin. Et il peut mener effectivement jusqu'au burn-out, quoi, parce qu'à un moment donné, tu dis ok, c'est mon métier passion, on me le répète jour et nuit, mais à un moment donné, j'en veux plus. Ouais, non, mais t'as pas tort, et ça se passe souvent comme ça, et je pense que ça s'est même passé comme ça pour moi en boulangerie, bah oui. Clairement. Non, parce que tu parlais de stress, mais j'ai pas vu, t'es dit trop stressé ces derniers temps. Hein. Oh, t'es plus... pas prêt de le voir. Ouais, c'est vrai, puis même jamais, mais oui, c'est vrai. Disons vrai. Que là, dans mon travail actuel, la santé mentale, c'est quelque chose de mis en priorité. Donc effectivement le stress, le fait de voir sa famille, tout ça, c'est quelque chose qui est prioritaire pour parce mon que patron t'es tombé dans parce une que je suis tombé bonne dans entreprise. Une entreprise qui met ouais, ça en avant. C'est ça. C'est pas le cas dans la plupart des entreprises. Il y a des patrons qui n'ont absolument rien à foutre. Qui ont un management vraiment de. Ça existe. Bah non. De merde. Ouais. Et il y a toujours le truc, je trouve qu'il y a toujours le piège de quand t'arrives dans une entreprise en tant que challenger et que tu dois faire ton trou et que tu donnes tout. Sauf que rien que déjà là, t'oses jamais dire non. Il y a déjà un piège là. Moi, ça m'est arrivé que mon responsable me dise super ce que t'as fait là. Bon, il faudrait que tu fasses ça en plus et t'oses pas dire non et en fait t'es totalement dans la merde parce que tu veux te faire bien voir. Techniquement, il est déjà là le piège parce que tu sais que déjà que dans cette entreprise tu vas pas être bien toute ta vie. Ce genre d'entreprise, tu vas y travailler, oui, mais tu sais que déjà dès le début tu vas le sentir. Pourquoi parce que tu te mets la pression dès le départ en fait pour y arriver en fait. Si tu sais que déjà tu dois faire des efforts considérables en plus de ce que tu devrais déjà produire de base. Mais c'est ça qui nous est vendu en fait. Mais c'est je suis d'accord. La notion de travail, c'est la notion d'effort en fait. Donc en fait, si tu veux réussir, on te le dit les influenceurs sur. T'as pas le choix, il faut que tu te donnes. À Dubaï, ils disent bon bah écoute, si tu veux en être là, le deal c'est qu'il faut que tu souffres en fait. Donc ça, c'est une notion qui est à peu près commune à tous. Et puis quand dans une entreprise, il y a quelque chose aussi, c'est qu'il y a le côté, je dirais, un enfant, tu sais, il tente avec ses parents, avec son instinct, etc. Une entreprise, elle vient de voir François, elle dit « Ah, t'as fait ça, c'est génial, mais est-ce que tu pourrais me faire ça en plus ?» Si la personne, elle dit « Bah oui », il va se dire « Cool. Okay. Lui, je peux le solliciter et je peux pousser le curseur plus loin et je vais voir jusqu'où je peux aller. Ouais. Exactement. Jusqu'à le pousser, Théo, tu vois bien en entreprise celui qui pose ses limites et qui dit non, on voit bien. Il passe pour un casse couille. Celui qui est là. Il dit toujours non. Puis, il est jamais d'accord. Mais si tout le monde était casse couille et je vais pas employer ce mot-là puisque en fait c'est simplement respecter ses heures de travail, ses tâches qui sont prévues dans ta fiche de poste au départ. Si tout le monde respectait ça, tu serais casse-cou pour l'entreprise, mais pas. En réalité, tu ne le serais pas. Bah, tu serais pas plus qu'un autre. Non, tu serais ton travail. Mais l'entreprise, ça la ferait chier que tu fasses pas plus. Et parce du coup, l'entreprise se dirait, ok, en fait, pour faire cette tâche qui n'est pas affectée à François, à Linda, etc., etc., à Teddy, du coup, on va embaucher quelqu'un d'autre. C'est ça. Rappelez-vous quand on a parlé des 35 heures. Oui. Ça va baisser. Les 35 heures, ça a donné trois fois plus de travail à la personne. On n'a pas embauché après ça. Parce qu'on est dans les marchés compliqués. Ouais, ça veut dire qu'en 35 heures, on doit faire le travail d'un 39. Rappelez-vous de tout cette gant. Oui, nanani, nanana. Déjà, faire du loisir. Il va falloir de l'argent pour faire du loisir. Alors, c'est facile, les 35 heures, de parler de ça. Je suis pas contre, loin de là. Moi, je sors du monde du travail. J'ai fait 41 ans dans la même entreprise. Alors, vous voyez, j'ai connu toutes les étapes. Hein, voilà. Ouais. Et l'évolution de la... Et l'évolution. Ouais. J'ai passé 5 années, mais très difficiles. Et on va parler avant de burn-out. Moi, je suis tombé dans le produit, dans l'alcool. Parce que j'ai trouvé ce produit-là. Alors, il y a une époque, je dis, il était bien et tout. Et je me suis aperçu que ce produit-là, il me donnait de la force au travail. Ah oui, pour tenir encore une fois. Pour me tenir au travail. Ouais. Pour tenir et pour te faire bien voir, entre bien guillemets, voir. Par la direction. Ouais. Et alors, au début, c'était midi. Mais ça n'allait plus. Il m'en fallait à 10 heures. Ah oui. Et après, c'était 8 heures. Et c'était 7 heures du matin. Et c'est toute une journée comme ça. Et personne ne s'est rien rendu compte au boulot. Personne, hein. Mais parce que dans ma tête, parce qu'on me donnait une charge de plus en plus, je me mettais une pression, pas possible, parce que je voulais être gentil avec tout le monde, pas dire non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est le problème de dire non dans une entreprise. Hein. C'est compliqué. C'est se faire mal voir. C'est se mal faire voir parce qu'on veut essayer, on veut essayer d'être gentil. Le management, c'est très compliqué de gérer du personnel. Ouais. Mmh. Bah déjà, d'avoir des gens qui sont capables de aujourd'hui, manager... Aujourd'hui, toucher une femme comme ça, c'est un harcèlement sexuel. Alors ça, c'était un homme, mais... Non, mais... Qu'est-ce qu'on sait ? C'est un geste. Mais tout ça c'est... Alors, je parle dans l'industrie, hein. Mais tu rigolais tout à l'heure, tu souriais, tu t'es dit, quand on parlait notamment des managers qui étaient dans une position plutôt inconfortable parmi les catégories de personnes qui... Parce que pour moi, manager, c'est pas une question de poste, en fait. T'es pas manager parce qu'il faut un manager. Normalement, dans chaque entreprise, tu devrais avoir une part de une personne, ou plutôt des cadres, parce qu'il y a toujours un cadre dans une entreprise, bien sûr, qui est censé faire du management. Oui. Le management, c'est pas juste un métier, c'est quelque chose qui est inhérent à gérer des gens, en fait. Oui, mais là on parlait... C'est pour ça que je rigolais, parce que les managers sont mal... Non, oui, mais parce que... je vais reparler de charge mentale, mais la charge qui est toute la pression est sur eux, en fait. La pression qui est mise sur les managers d'équipe. Mais c'est ça leur boulot, techniquement. C'est leur boulot. Mais c'est pas simple. Il y a plein de métiers qui sont pas simples. Non, mais ça entraîne, du coup... Être manager, c'est avoir des choses sur son dos. Et des burn-out, malheureusement. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, on peut le voir comme effectivement faisant partie du métier. Cela dit, l'être humain est ce qu'il est, hein, est un être humain. Donc en fait, le fait d'assumer ça et de l'assumer à outrance, c'est-à-dire qu'on te dit, bon voilà, le rôle c'est de maintenir les équipes en place et de faire en sorte que la production arrête. Si tu fais ton job correctement et que en fait il y a d'autres facteurs qui font que la production par exemple baisse, on va te porter plus de charges, on va dire ouais. Mais alors tu vois, il faut non seulement tu vas faire autant, mais tu vas faire plus avec moins de moyens. Et du coup, tu as moins d'outils pour réaliser ton job. Tu vois, et au fur et à mesure, ça te crée de la charge. Je dis pas le contraire. Humainement parlant, manager ou pas, c'est chiant. Mais techniquement, leur boulot, si on en revient à pourquoi j'ai rigolé, leur boulot, c'est d'alléger la charge mentale de tout le monde. C'est ça leur charge mentale eux. C'est ça qui est. Et malheureusement, d'une certaine manière, à leur dépend, quoi. Alors dépend. Parce que si ok, je te dis, t'es dit, bon, le dossier, on reprend ce que tu disais tout à l'heure, André, c'est je ne te donne pas cette charge du dossier supplémentaire. Bon, ok, parce que je respecte la fiche de poste d'André. Mais que au-dessus, ils n'ont pas prévu de recruter. Ok ? Qui va faire le job ? T'es démuni. T'es moi ? Bon, en tant que manager, tu vois, c'est moi qui vais l'assumer cette. Tu fais ce que tu veux. Mais non, c'est pas sur ton poste à la base. Mais c'est pas sur mon poste à la base non plus. Ouais. C'est juste que pour le bien-être de mon équipe, je vais assumer cette charge, tu vois. Et ce qui fait que entraîner effectivement ce que vous êtes. Donc après, les managers sont des êtres humains normaux. Hein, Parce que et c'est vrai qu'est-ce qu'il disait, parce qu'au début on le fait avec un plaisir, on le fait tout ça, et on se met une charge, on se met une pression. Parce qu'il y a une pression. C'est juste au moment où il n'y a plus de reconnaissance, ou alors tu le fais plus avec plaisir. C'est plus la reconnaissance. Ou... C'est même plus le corps, il ne tient plus. C'est le corps. Et il a besoin, le corps. Parce qu'on parle dans le travail, mais il y a, et on en parlait de la famille aussi. Ouais, parce qu'après, ça rebondit sur la famille. Il y a la famille. Il y a la famille à gérer. Il y a les kilomètres à faire en voiture. Il y a plein de choses. Il y a tout un ensemble. C'est un tout. C'est très dur aujourd'hui. Et malheureusement, avant, on en parle beaucoup du burn-out. Valérie, elle a fait un AVC. C'est suite à la charge de son travail. Son AVC était reconnu par la pression, parce qu'elle travaille dans le transport. C'est le corps qui se manifeste, en fait, parce qu'il y a un surplus. Il y a un surplus. Travailler dans le monde du transport, c'est un monde terrible. Là, on est, avec tout mon respect, c'est pas des petits chocolats, c'est trouver un camion. Pas des chocolats, trouver un petit camion. Quelle insulte. un camion par six, c'est une pression, c'est des chiffres. Comme moi, dans l'industrie de l'automobile, je travaillais pour les pièces automobiles. Flux tendu, c'est des pressions. Il y a des métiers qui sont beaucoup plus à stress ou beaucoup plus tendus que d'autres. Je prenais sur moi, je partais à 3h du matin, je revenais à la maison. Mais il me fallait quelque chose. Quand vous dites un chauffeur de bus, par exemple, il a plus de pression. Comme une femme, et on en reparlait, que ce soit une femme ou un homme, aujourd'hui, on arrive dans des addictions parce que c'est encore plus facile de trouver un produit qui nous donne des choses. On s'est dit, ce produit-là, il est du bien-être, en fait. C'est du bien-être. On se recroise et puis c'est parti. Hein, et on ne le voit pas arriver. Et la sectorisation, effectivement, des entreprises, et là, on parlait notamment des femmes dans certains secteurs, mais pas que, du coup. Les femmes, oui, mais aussi les hommes dans certains secteurs. Il y a des disparités là-dedans. On le sait, d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais sais pas, je vais prendre l'hôtellerie ou la restauration, que malgré des revalorisations de salaire qu'il y a eu ces dernières années, il y a de moins en moins de personnes qui veulent aller dans ces normal. Mais c'est normal. C'est normal. Bah, c'est littéralement à un moment donné. Non mais il y a un moment donné, t'as pas de vie, t'es payé une misère. Et on te roule dessus, on te parle comme une merde. Mais oui. Non, bah, moi j'ai un pote qui a travaillé dedans, il est sorti avec un burn-out d'ailleurs, parce qu'on lui en demandait, on lui en demandait toujours plus. Non, mais je suis d'accord. Il voulait sortir avec une fille, il est sorti avec un burn-out. Non, mais un burn-out si grave qu'il en a perdu l'équilibre. Donc il allait voir un ORL et tout, etc. Un chirurgien, mais... on parlait de déserts médicaux, ouais. Voilà. Et. Il y avait une unité sur le domaine du service, l'hôtellerie. Restauration, tout, les serveurs, on va parler globalement. Il y avait une unité de plus personne veut travailler là-dedans parce que c'est chiant. C'est un métier dur dans plein d'aspects. Il y a une grosse unité là-dessus. Du coup, les restaurants se sont retrouvés avec une pénurie de serveurs, ouais. Clairement. Ces dernières années, ils ont payé les gens correctement, quoi. Ils ont dû s'adapter. Voilà. Non, mais c'est con, hein, mais les plus intelligents, en tout cas, ont dû s'adapter pour. Revaloriser le salaire, forcément, pour faire venir des gens dans ton restaurant plutôt que celui du voisin quand t'habites en ville et que t'as 3-4 restaurants sur et je dis 3-4, c'est gentil. Un peu toujours comme ça, tu sais, il faut c'est toujours été comme ça, c'est toujours sur la route pour faire quelque chose, voilà. Tu vois, c'est un peu dans le malheur de la plupart des serveurs là, dans l'idée, ça va en s'améliorant. Parce qu'il y a eu tellement de déboires avant. Parce qu'ils ont mis le doigt dessus. Mais combien on a vu de patrons de restaurants filoutés Moi, j'ai plein de potes qui m'ont expliqué. Il faut tout le temps aller... C'est-à-dire que tu bosses pour quelqu'un qui essaie de te voler, quoi. Et t'es obligé de le menacer. Moi, j'ai une copine qui était en fac de droit et du coup qui s'y connaissait bien et qui l'a menacé clairement. Et, avec voilà. Sa fac de droit. Oui, c'est toujours ça. On dit que les jeunes veulent pas bosser. Bah non. C'est peut-être juste que les gens veulent pas bosser. Les gens veulent de l'argent. Payez-les correctement. Ils ne veulent pas des conditions qui soient destructrices, justement, qui viennent dans l'alcoolisme, dans ce genre de. Parce que bosser dans des trucs un peu durs, c'est faisable. Mais pas dans. Avec une certaine valorisation, avec pas bosser 160 heures par semaine. Parce qu'il y aura toujours des difficultés. Il n'y a pas de métier facile en soi. Non, il n'y a pas de métier facile. À part trader. Et historiquement. Mais ça, c'est un métier de connard. C'est gratuit pour les traders. Il y a peut-être des traders qui nous écoutent. Il en faut, c'est comme tout. Par contre, la différence, parce que les métiers, la charge, le côté difficile de la chose, il y a toujours eu, par exemple, dans un métier de serveur, il y a toujours des choses difficiles, même si je pense que ça s'est accentué avec les années, notamment par le profil des clients. Simplement, hein, voilà, tu disais tout à l'heure, François. Les relations humaines tout court, les relations ça humaines, pas vraiment. Mais clairement. Après, il y a quelque chose aussi qui a changé, et là on peut parler des jeunes en règle générale, hein, c'est l'espoir. L'espoir, oui. Léa, t'as de l'espoir ? Non. Oui. Non, la c'est plus... bien, Léa. Non, oui. T'es le mauvais exemple de ta génération, visiblement. Fallait que tu dises non, Léa. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, la génération de Brigitte ou de Patrick, quand vous avez commencé à travailler, et je pense que Patrick, pour le coup, c'est un bon exemple, parce que, d'après ce que tu m'as expliqué, en fait, tu as commencé l'entreprise en bas de l'échelle, et petit à petit, tu as monté, tu es resté dans la même entreprise. Oui, voilà. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un mentor, d'avoir quelque chose, mais va falloir que je m'investisse énormément parce que j'ai. Voilà. Et il y a eu un crack. Il y a eu. Voilà. Y a, ouais. Un surmenage, un burn-out. Avant le burn-out. Ouais. Malheureusement, avant le burn-out, des fois, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mm. Et avant d'éviter, on se dit tiens. Ça vient pas comme ça, de toute façon. Il y a forcément du avant. Hein. Mais il y a des facteurs. Hein. Bah oui, oui. Il y a des facteurs. Ah, ouais. C'est pour ça, comme je vous disais tout à l'heure, vous dites ah, bah, j'y arrive, je vais gérer. Faites attention. Ouais. Oh non, mais moi, ça non, va. Non, t'inquiète. Mais. Ça va. Ouais. Mais on en reparlera. Écoutez, peut-être dans 10 ans. Je suis plus boulanger, non, mais ça va. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il a switché, tant mieux. J'ai 41 ans de maison. C'est pas, je vous donne une leçon. Faites attention, parce qu'on dit ça va. Ah ouais, moi j'ai 2 ans de maison. Attention. Non, mais parce alors, que vous allez être obligé de travailler très longtemps. Disons que il va falloir tenir la distance en plus. Non, mais c'est vrai. Et alors, il y a aussi autre chose qui a évolué, pas forcément dans le bon sens, c'est que bon, là, l'évolution, du coup, elle était au prix de sacrifices qui ont mené notamment à de la dépendance, etc. Mais il y avait quand même, globalement, hein, parce que c'est pas évidemment le cas pour tout le monde, mais il y avait cet espoir de, voilà, je commence, je suis petit ouvrier, etc., sans beaucoup de diplômes, et puis je gravis les échelons jusqu'à atteindre un niveau de revenu, de confort, etc., de responsabilité aussi. On nous faisait miroiter quelque chose. On nous faisait miroiter, mais... Non, grosso modo, il y avait un espoir. Il y avait un espoir que quelque chose s'améliore, ou voilà. Exactement. Aujourd'hui, je pense que c'est un des problèmes de la jeune génération, mais qui n'est pas lié à la jeune génération. Mais ils n'ont pas d'espoir que ça s'améliore. C'est qu'effectivement, on vit dans un monde... Ils commencent dès le début, pas d'espoir. Demain, c'est la fin du monde. Vous allez être à la retraite à 67 ans, et encore, ça peut évoluer. Vous n'allez pas pouvoir faire le même travail toute votre vie, parce qu'il va y avoir plein de métiers qui vont disparaître avec différents facteurs d'évolution technologique. Il y a plein de choses qui nous mènent à penser on va avoir une vie professionnelle un peu pourrie. Tu viens de détruire les espoirs, ouais. De Léa. Non, je pense qu'elle en est consciente, Léa, de tout ça. Oui. C'est juste que, en fait, tu vois, même cet espoir-là qu'on pouvait avoir, on l'a plus forcément aujourd'hui. Ils ont plus rien. Donc forcément, ça rajoute à cette pression qu'on peut avoir. Et puis en plus, on est tiré de tous les côtés. Si on n'est pas le meilleur, si on n'est pas... C'est ce que disait André. Faut être spécialisé, mais en même temps, faut savoir tout faire. Ça devient extrêmement compliqué. C'est au même sens aller jusque-là. On connaît une personne tous les deux qui, à un moment donné, si ça demande aussi d'être un peu lisse quand même. Parce que pour les personnes qui ne le sont pas, avec Théo, on connaît quelqu'un... En plus, vous la fermez. Voilà, qui a été mis au placard alors que elle pourrait gérer un certain nombre de choses. On lui a dit, toi tu vas faire ça, et on refuse de l'entendre aujourd'hui. Donc, ça se fait poser des questions quand même sur ta carrière à toi. Tu sais qu'il faut bien que tu rentres dans le rang. Ouais, ou sinon ça va mal se passer, et après ça va amener à des déboires. Et c'est vrai, parce que nous, quand on rentrait dans le monde du travail, on avait le plaisir, on allait au travail, on avait l'heureux. Et aujourd'hui, on faisait notre place gentiment. On prend peut-être Brigitte, être maîtresse d'école à son époque, c'était un plaisir d'être maîtresse d'école, elle pouvait mettre une punition et tout. Ouais, il y avait une reconnaissance aussi. C'est ça, plaisir. Je me rappelle des maîtresses d'école, madame Yassé. Super, Brigitte, merci. C'est des punitions. Voilà. Le plaisir qu'elle avait à mettre des punitions. Mais aujourd'hui, on rigole. Moi, parce que je fais des groupes de parole et j'ai eu avoir des maîtresses avec moi parce qu'elles sont tombées dans le produit pour mettre une punition à un enfant. C'est plus possible, les parents. C'est compliqué. Par les parents. Et c'est une grosse pression qu'elles ont aussi. Parce qu'on parle de l'industrie, on parle des restaurants. Alors, je défends un peu l'éducation nationale. Elles ont le même problème. Parce qu'ils ont connu avoir 30 enfants dans une classe. C'est peut-être pas que les 30 enfants ils dans une classe. Ils n'arrivent pas à servir en... C'est comment gérer Et parce que maintenant, ils ont les parents, ils ont une pression. Et c'est un métier qu'ils ont de plus en plus. Et en plus, s'il arrive quelque chose dans la responsabilité. Voilà, c'est la responsabilité des enseignants. Ça peut plus être la faute à pas de chance, etc. C'est forcément de la faute de quelqu'un. Rappelez-vous que le gamin, sans faire... Moi, je me rappelle, j'avais un trou comme ça au pantalon. On n'allait pas engueuler la maîtresse parce que j'étais fait un trou au pantalon. Aujourd'hui, on va aller en... Et c'est vrai. Elles ont une pression parce que le gamin s'est fait un trou. Encore une fois, ça c'est la société. Et on va retomber. Et c'est le domaine de la société. Ouais. Et c'est une maladie qui peut arriver, le burn-out ou le. On va y venir juste après. Moi, ce que je vous propose, c'est d'écouter un titre de Annie Sherlock. Tu lances de musique. Parce que c'est maintenant. Sinon, vous allez trop rentrer dans le sujet. Attends, c'est moi qui lance les musiques. Voilà, on écoute Ali Sherlock. Non, tu piques pas mon micro. Alors, oui, comme l'a dit Linda, effectivement, on va écouter de la musique. Mais tu te télines. Donc on va écouter Ali Sherlock, All of Work. Oh, j'aime mon... Oh, c'est vrai ? Ça tombe bien. Ah bah oui. Mais la musique... On t'entend pas. Alors qu'on peut parler, on a une intro pour présenter Ali Sherlock avec All of Work. It's another Friday and I ain't got nothing to wear. The guy really like you. He's getting with some drunk girl over there. They call me the queen of catching feelings. I let it burn, let it slip through my fingers. I'm not the type to give up so easily. Oh, tell me why everybody's got somebody. I'm alone at my best friend's party. I want Cupid to shoot me, I don't care if it's and take another photograph. Like I'm having the best night, living my best life. Inside I'm feeling kinda sad, cause I don't know how to get this thing right. They call me the queen of catching feelings. I let it burn, let it slip through my fingers. I'm not the type to give up so easily. Oh, tell me why everybody has got somebody. I'm alone at my best friend's party. I want Cupid to shoot me, I don't care if it hurts. Best friend's party. Now I'm singing a sad song like I wrote the words. Oh, guess the movie's a night like I've heard. When I saw him leave with that girl, know it sounds kinda stupid, I wish I was her. Ce soir, c'est le débat sur Indestar. Venez réagir au 09 70 407 306. Faites pas les timides, ils sont pas méchants. Enfin, pas tous. Hein. Bah non, finalement, ouais. Puisqu'il n'y a pas de téléphone. J'essaye de rattraper ma bêtise du début. C'est vrai, c'est vrai. Et je me suis dit, je vais changer ce jingle par un autre, mais du coup, il y a quand même le numéro de téléphone à l'intérieur. Par contre, il y a le fait que toute l'équipe n'est pas méchante. Enfin, pas tous. Non. Une partie, c'est ça. Peut-être, mais pas tous. Non, eh, on meurt pas, on est gentil, on aime tout le monde. On n'est pas ciblé. Ah bon. Donc, moi, ce soir, je vous ai sélectionné un petit extrait qui parle de burn-out pour savoir ce que ça fait dans le corps, ce qu'on ressent. Ah oui, parce qu'on parle santé ce soir quand même. Non, c'est ça. Parce que si vous venez de débarquer sur une des vous allez alors parlons du burn-out. Et du coup, Anne-Laure nous explique ce qui s'est passé dans son corps quand elle est partie dans ce burn-out et qu'il a pointé le bout de son nez et on l'écoute. Je sentais que je tirais sur la corde, mais je mettais beaucoup de stratégies en place pour que ça tienne. J'allais courir le matin, je faisais de la méditation, j'essayais vraiment de manger bien. Et il y a un moment où j'ai commencé à avoir des petits craquements où je commençais à me dire, mais ça, j'ai complètement oublié ce truc-là, où je me rendais compte que j'avais un client ou un projet, j'avais oublié. Je commençais à sentir comme des petits bugs dans mon cerveau. Et après, ça a été assez soudain, en fait, c'est quasiment du jour au lendemain. J'ai vraiment perdu le sommeil. C'est comme si bah, tous les jours, j'avais le cerveau un peu en ébullition, en feu, etc. Mais tous les soirs, bah, j'arrivais à le calmer et à dormir. Et puis un jour, c'est comme si ça s'éteignait plus. Et donc vraiment, je dormais plus. Et donc là, ça a été assez radical, en fait. J'ai décidé de mener à bien les projets que je voulais vraiment finir, sur lesquels j'étais engagée, et de me mettre en pause. Et en fait, le sommeil revenait pas du tout. C'était même de pire en pire. Plus les jours passaient, moins j'étais capable de faire de choses. Et même préparer un gâteau m'épuisait ou me paraissait insurmontable. Voilà, donc vous voyez dans le corps ce que ça peut faire. Bah ouais, les gâteaux, ça vient crescendo et ça fait un dégât pas possible en fait. Hein. Et c'est pas forcément réversible, c'est pas genre tu t'arrêtes et puis boum, ça revient. C'est quoi. Ancré en toi et il y a du travail à faire assez long pour revenir en arrière. Quoi. Ok, ouais. Alors comment on en vient à ça? Parce que là, la personne elle l'explique très succinctement, mais voilà, bon, j'avais des charges, j'avais des choses, etc. Et puis d'un seul coup, j'ai commencé à avoir des signes et puis j'ai décidé de m'arrêter. Mais c'est la manière d'interpréter les signes pour moi parce que. Quand t'es fatigué, toi, tu peux dire ça peut être plein d'autres trucs plein en fait. Raisons, mais ouais. Oui, c'est ça en fait. Encore une fois, diagnostiquer un burn-out, moi c'est ça que j'ai du mal en fait. Mmh. Parce que y a beaucoup de signes qui sont voilà, pour plein de maladies en soi. Ouais. Comment tu fais pour dire ça, c'est le burn-out? Là, j'avoue que ça, tu ne le vois pas forcément. C'est plein de petites choses. C'est des signaux. Oui, plein de petites choses qui sont communs à plein d'autres choses. Ouais. C'est ça le truc. Ouais, mais c'est un truc qui a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'après t'exploses en fait. Oui. Mais du coup, c'est un ensemble. Ça, quand t'as quelque chose, t'as pas toutes ces petites choses. quand même. Non mais je l'entends, mais imaginons. Alors prenons deux cas de figure. Quelqu'un qui dans sa vie, comment dire, est très stressé par des petites choses, on va dire. Je veux pas, voilà. Se met la pression pour tout ce qu'elle doit faire. Et pourtant n'est pas forcément contrainte par un patron méchant ou une vie familiale trépidante, etc. Pour moi, cette personne-là peut arriver en état de burn-out. Bien sûr. Et c'est toujours la même chose, c'est la façon dont tu reçois les choses, en fait. Et à contrario, tu peux avoir une vie, et c'est là où ça, le diagnostic peut être plus compliqué, c'est que tu peux avoir une vie, enfin tout aussi compliquée en tout cas, tu peux avoir une vie trépidante, de la pression au travail, etc. Et ressentir, comme tu disais tout à l'heure Teddy, ressentir des signes un petit peu à droite à gauche, et en fait les amis, les collègues, etc. vont dire bah mais ça Théo, c'est parce que tu travailles trop, c'est parce que t'en fais trop, etc. Alors que si ça se trouve, ces signes là ils sont signes d'autre chose, d'une maladie, d'un autre truc, enfin qui n'a rien à voir avec le burn-out. Et tu vois, c'est le diagnostic, à mon avis, il est compliqué en fait à évaluer, parce que la personne qui a une vie entre guillemets cool, on va dire bah non, mais tu vois, ça peut pas être un burn-out parce que t'as pas la pression, t'as pas, alors que si. Et à contrario, bah quelqu'un qui, on lui dit oui t'as la pression, etc., c'est forcément un burn-out. Pas forcément. Tiens, tu viens de mettre le doigt sur un truc aussi qui m'intéresse, c'est est-ce que le burn-out ou l'état dans lequel on est peut nous donner des maladies, peut nous amener à des maladies du coup. C'est intéressant ce que t'as dit du coup. Je vais pas parler forcément de burn-out, mais c'est sûr que le choc psychologique, la pression, le stress à outrance, etc., malheureusement, peut mener à de la maladie, et notamment on parle de cancer assez régulièrement, mais voilà, un cancer, tu peux nous en dire plus, je crois, Teddy, là-dessus, parce que tu avais étudié le développement des cancers. Et ah oui, c'est vrai. Oui, je te rappelle ce que tu as étudié il y a. Waouh, ça remonte à loin. Et le déclenchement peut être lié à ça, quoi. Ouais, alors un cancer, en fait, ça survient lors de la régénération des cellules dans notre ADN. Je vais essayer de faire simple. Nos cellules se régénèrent toute notre vie. Voilà. Mais quand on vieillit, nos cellules se régénèrent aussi, peut-être un peu plus lentement et avec de plus en plus d'erreurs, malheureusement, quand elles se régénèrent. Plus tu fais d'erreurs, plus tu peux avoir... Le cancer, c'est une erreur, en fait. Hein. Techniquement, c'est une erreur du corps. Donc, tu peux avoir des cancers à n'importe quel âge, ça veut dire. Mm-hmm. Sauf que tu as de plus en plus d'erreurs avec l'âge. Ouais. Et ces erreurs peuvent muter de... et s'en sortir et se développer et devenir un cancer qui te tue, hein, concrètement. Oui, ok. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que j'aille plus Comment le lutte le rapport qu'il peut y avoir entre un état psychologique et tout ça. Mmh. Ouais, alors effectivement, notre état psychologique peut jouer sur notre régénération, parce qu'on sait très bien que notre état mental joue sur notre corps de manière générale, mais sur la manière dont se régénèrent nos cellules, ça y joue aussi. Je saurais pas dire à quelle mesure ça y joue, à quel niveau, si c'est une question d'âge. Il doit y avoir plein de facteurs à prendre en compte là-dessus, mais notre régénération de cellules peut être dégradée par notre état mental. Donc faire plus d'erreurs de régénération et développer potentiellement plus de cellules cancérigènes qui se développeront en cancer. Patrick. Et c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Et tout à fait, c'est vrai. Ben ouais, je suis tout bim. Je fais des bonbons et... Ben oui. Et moi, j'ai eu un cancer du rein. Ouais. Ouais, on m'a enlevé une partie du rein. Mmh. Et ben c'est une partie aussi qui venait de mon travail, parce que je prenais des risques dans les produits et le corps. Ah bah il y a certains produits, alors on en entend souvent parler, les produits endocriniens, ce genre de trucs. Oui, on sait pas trop ce que ça veut dire endocrinien déjà. Le talc. On croit pas, mais le talc. Alors ça dépend lequel. Ouais, mais le talc de Venise. Ouais, c'était un déclencheur dans le caoutchouc. On mettait du talc, du trichlore. C'était des déclencheurs. Et vous voyez, c'était dioxyde de titane. Ouais, si je ne me trompe pas. Et tout. Vous voyez que tout ça aussi, malheureusement, c'est des produits, des substances qu'on découvre qui effectivement favorisent en fait les erreurs dans notre corps. Voilà. Parce qu'en fait, le cancer, c'est une histoire d'erreurs. Ouais. Faut retenir ça. Et vous voyez, il y a tellement de trucs qui peut avant le burn-out, qui peut avoir la maladie, qui peut avoir les addictions et malheureusement l'AVC ou les choses comme ça. Et on est dans ce monde d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais encore, je vous le dis, faites attention, parce que malheureusement, des fois on veut, on croit, et parce sans que problème. Votre vie, notre vie, on veut aussi gérer notre vie à côté, et tout ça, faut le mettre en place. Hein. Alors moi, je vais rebondir. Du coup, je reviens sur le burn-out. En fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, à votre avis, pour améliorer ça, en fait ? Eh ben, il faut améliorer. Si... Non, il faut justement améliorer les conditions de travail, par exemple, en Suède. Ouais. Ça, c'est de la prévention que tu fais. Mais voilà, d'accord, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter ça, en fait, arrive. Oui. Et ben donc, améliorer les conditions de travail. Et par exemple, en Suède, ils ont expérimenté la journée de travail de 6 heures et apparemment, ça réduirait le burn-out de 25% sur certains secteurs, en fait. Mmh. Réduire d'une heure ? Ouais. Alors, il y a aussi un accompagnement psychologique et un soutien social. Peut-être faire des sessions de sensibilisation pour la gestion du stress. Et en fait, on a vu que si on mettait ça en place, il y avait 40% du taux de burn-out qui baissait chez les employés, en fait. Il faut en parler, en fait. Il ne faut pas le laisser de côté, ça. Il faut en parler, en fait. Tu veux dire d'organiser des sessions, ouais, de la prévention. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, qui est difficile dans une entreprise ou partout, moi, qui... pour la santé de la famille, pour parler des produits, parce que je m'y connais comme beaucoup, malheureusement, j'ai tombé dedans, comme je disais tout à l'heure, on ne fait pas assez de prévention. Imaginez aujourd'hui, pour entrer dans l'éducation nationale, dans un lycée, pour aller faire de la prévention, pas interdire de boire ou de faire des choses comme ça, je ne suis pas là pour faire ça, mais de faire de la prévention, que demain, il faut faire attention, parce qu'on sait que ce produit-là, il nous a donné un petit peu de force. Est-ce que ce n'est pas un peu tabou tout ça? Moi, j'ai peur que c'est tabou. Et c'est malheureux parce que là, aujourd'hui, si j'en parle devant vous, imaginez que c'est un grand pas que je fais. Mmh. Mais d'un côté, c'est notre thérapie et c'est important d'en parler parce que, on va dire, ah, tiens, je me rappelle, tiens, Patrick nous avait parlé de ça. Et avant, parce que comme il disait, pour se mettre la pression, et elle disait aussi la pression d'une femme, et puis c'est tout un ensemble, hein, malheureusement. Et plus on va avancer dans le monde, ça va être de plus en plus difficile pour vous, hein. Pour moi maintenant ma vie est un peu plus en tout cas bravo de venir en parler comme ça ouvertement, c'est une force. Vincent, vous avez tu voulais là. Réagir moi je tiens à vous remercier de m'avoir écouté parce que avec plaisir. Et croyez-moi, pour moi aujourd'hui, je disais tout à l'heure, c'est ma thérapie d'être là. Bravo. Et surtout ne pas le cacher. Quand on sent quelque chose qui commence à arriver ou avant le burn-out, il faut en parler aux bonnes personnes. Il faut pas s'enfermer dans ça. Parce que ça va très vite. Et comme tu disais tout à l'heure, je prends un peu l'exemple, il me dit je vais arriver. Faire attention. Faites attention. Vous êtes jeune, mais attention. Jeune, encore. Oui. Non, mais c'est vrai, faut faire très attention parce que ça peut arriver très très vite et on le voit pas arriver. Ouais. Et ça. Et vous allez être confronté à, malheureusement, de plus en plus. On le voit aujourd'hui. Et... On a un monde sous pression, très clairement. Et vous êtes dans un monde de pression. Moins de médecins, moins de prévention, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas. Et c'est ça, on en revient toujours. Il faut de la prévention, etc. Ouais. Mais en même temps, on dit qu'il y a moins de médecins et c'est compliqué. Il faut attendre 6 mois. Alors, Prenez un cas, comme moi, je suis tombé vraiment au plus bas avec le produit. Malheureusement, on doit se faire, on appelle ça un sevrage. Oui. Très complet, un sevrage. Moi, j'ai fait un sevrage en psychiatrie et tout. Mais du sevrage à rentrer dans une cure, moi, j'ai eu cette chance de rentrer tout de suite. Mais il y a des gens qu'ils ont 8, 9, 10 semaines entre-temps. Ouais. Et c'est très compliqué de rentrer. Il faut faire des lettres de motivation. Vous voyez que... Ouais. Oh, bordel ! Il faut faire une lettre... Pardon ? Il faut faire une lettre de motivation... Pour se faire soigner. Heureusement qu'il y a ChatGPT. Du produit. Non mais c'est dingue quoi. Non mais c'est pour rentrer dans un centre de cure aujourd'hui, il faut faire une lettre de motivation. Si vous faites pas une lettre de motivation, ça va être compliqué pour y rentrer. Ouais. Vous voyez que et le problème aussi de la sortie d'une cure, c'est fou. Si on la prépare pas, et là c'est là qu'il c'est là où on rechute. On peut rechuter parce que si on prépare pas tout avec des médecins, et malheureusement, comme on en revient dans la médecine, il n'y a pas assez de dicto, il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas tout ça. Et là, c'est très compliqué. Ça peut durer. Ouais. Vous voyez, on rentre dans le monde du travail, on se remet une pression parce qu'on se dit celui-là, il me va. Et vous voyez que les rechutes, et la rechute peut être terrible après. Je vais reprendre ce qu'a dit Linda. Je te remercie, Patrick, de ce que tu as dit. Et Vincent, tu veux ajouter un mot ? Rebondir effectivement sur la prévention, c'est quelque chose qui est essentiel et à la base de tout. On va continuer Je pensais même plus loin. Sur les produits. Plus loin que la prévention, la communication. Bien. C'est quelque ça. chose. chose qui se perd de plus en c'est plus. C'est essentiel dans la vie. On va continuer sur les produits, sur les drogues. Comment ça se fait qu'en Espagne, au Portugal, maintenant en Allemagne, aux Pays-Bas, là où le cannabis est légal, comment ça se fait qu'il y ait moins de consommateurs en France? Parce que derrière, il y a un accompagnement psychologique pour les aider. Il y a beaucoup plus de prévention. Tu veux dire, là-bas, il y a moins de consommateurs qu'en France. Il y a beaucoup moins de consommateurs, alors que c'est légal, parce que derrière, il y a toute cette stratégie de communication. Déjà, on ne leur interdit pas, on leur explique que c'est mauvais, en fait. C'est ça. Donc, ce n'est pas une punition. On va prendre l'exemple du Portugal. Depuis 2001, cannabis, héroïne et cocaïne sont légales là-bas. Le Portugal, c'est le pays en Europe où il y a l'un des taux les plus faibles d'Europe en termes de consommateurs, alors que c'est légal, parce que derrière, il y a cet accompagnement psychologique, d'assistants sociaux, etc., pour pouvoir les sortir de cette dépendance, leur expliquer que c'est pas bien, et les prendre en charge. Il y a quelque chose de beaucoup plus humain, qu'on ne retrouve pas en France, parce que là, c'est toujours ce côté... Ça fait deux fois qu'on cite le Portugal, quand même, dans cette émission. Mais du coup, la France a toujours ce côté vieille France, vieille garde, du fait que non, on ne veut pas toucher les choses, alors que si... Mais je te rassure, Théo, on va arrêter de citer du Portugal, parce que... On ne va pas écouter Anafri ? Non, on ne va pas écouter Anafri. Non. Je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, Linda. C'est en Suède. On aime bien rebondir. Les journées de 6 heures. C'est ça. Mais si c'est... Enfin, c'est un petit peu le problème... Ça peut être compliqué. Si c'est pour faire le travail de 8 heures en 6 heures... Oui, ça, on peut revenir sur le principe du 35 heures. C'est toujours la même chose, ouais. Bah, voilà. Il faudrait respecter vraiment... Ouais. Mauvaise pioche. Si c'est 6 heures pour faire 6 heures... Il faut faire 6 heures. Sinon, ça ne marche pas. Je suis d'accord. On va écouter Tikla. Go the Hunger. Alors, God the Hunger. God the Hunger. Alors, c'est Alice Russell qui est une chanteuse. C'est une lie. Qui avait sorti il y a de nombreuses années maintenant le titre God the Hunger et qui a été remixé par Tikla. Excellent. Juste, j'ai qu'un mot à dire, c'est juste excellent quoi. On écoute. Something's going wrong. Something's feeling my Le débat du vendredi soir, c'est sur Indestar et nulle part ailleurs. En fait, ils ont essayé que ça soit ailleurs, mais tout le monde est sur répondeur. Non, mais on est les meilleurs ici. Alors, on va... On a appelé la sécu. Pas du tout. On va te répondre. Alors, moi, je vous propose d'écouter Teddy. Il va nous faire une petite synthèse de toutes ces petites choses qu'on s'est dites. J'avais déjà commencé à parler. Ouais, ah, pardon. Si vous venez d'arriver... Non, non, mais on peut le dire. Voilà, vous venez de débarquer sur Indestar. Vous avez raté les 2h30 d'émission. Alors, d'abord... Il y a le podcast qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes, donc notamment indestar.fr. Et puis, en fait, vous avez le résumé. Vous savez ce qu'il y a à l'arrière du livre, là. Là, il est proposé par Teddy. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, ouais. T'as la pression. Hein. Ah ouais, grosse pression. Je lui ai dit tout à l'heure, il m'a dit non. Alors, dans cette émission, nous avons parlé de la santé dans sa globalité, plus précisément de la santé mentale quand même. C'est ce qui nous a porté jusqu'au bout de cette émission. On a vu que notre santé mentale, c'est quelque chose dans notre société qui avance de plus en plus, qui devient de plus en plus important, qui prend une place de plus en plus importante, ou plutôt une reconnaissance de plus en plus importante. Ça fait peut-être un temps où on se rebattait les couilles, hein, clairement. On l'a vu ça sous de nombreux aspects, donc l'accès aux soins, la charge mentale... Je regarde Linda, ça a l'air de te tenir à cœur. Non, mais on l'a vu sous plein d'autres aspects, le burn-out et tout ça. Tout ça, c'est des aspects de la santé mentale, je le dis très souvent là quand même, qu'on met en avant et dans lequel on s'implique de plus en plus. On veut faire attention à notre santé mentale, toujours. Enfin, je voulais éviter la répétition, mais je peux pas. On y fait attention et on a essayé de parler et de trouver des petites solutions ou de déterminer qu'est-ce qui pouvait causer ces petits problèmes. Et on espère en tout cas que ça vous a aidé dans l'absolu, hein, à notre échelle, parce que bon, on dit beaucoup de conneries quand même. Dans votre problème de santé mentale, si vous en avez, on en a tous plus ou moins à des moments donnés de nos vies. On est tous touchés tous à un moment donné. Tous des causes de stress à un moment donné, que ce soit au boulot, dans la famille ou professionnel. Ouais. Sinon, on est un caillou, tout simplement. On a une âme et un cœur, hein, donc forcément. C'est pour ça que je dis un caillou. Hein, et des émotions. Jusqu'à preuve du contraire, les cailloux n'ont ni l'un ni l'autre. Faites attention à vous. Préserver votre santé et celle des autres aussi. Faites attention à ce que peuvent ressentir les autres. C'est important. L'écoute, c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué. Et parler, communiquer entre nous au boulot, dans sa famille et tout ça, que ça soit des problèmes X ou Y, il faut parler, il faut communiquer pour pouvoir avancer. Et vous faire accompagner quand il y a besoin. Quand il y a un besoin, faites-vous accompagner. T'as touché quand même quelque chose qu'on n'a pas abordé, Teddy, quand tu as dit qu'il faut faire attention à notre santé, à celle des autres. Alors évidemment, vis-à-vis de notre entourage, puisqu'on a dit qu'on était quand même dans une société assez égoïste et que voilà, prendre soin de l'autre, c'est important. Mais on parlait tout à l'heure, par exemple, de la situation d'un manager. Non, mais je reviens rapidement là-dessus. Il ouvre le débat. Non, j'ouvre pas le débat. Juste simplement dire qu'effectivement, ce qu'on ne porte pas, enfin, ça peut être à titre personnel aussi. On peut pas être aussi, à la place de l'autre, je pense. On peut pas être à la place de l'autre. Par contre, il faut se mettre dans la place, à la place de l'autre, puisque en fait, si on reporte notre charge mentale sur quelqu'un d'autre, ça va l'affecter. On parlait des différentes personnalités. Si moi, j'ai pas la pression parce que je suis cool, mais que quelqu'un, du coup, reporte la pression qu'il ressent sur moi, du coup, je vais ressentir une pression que j'aurais pas eu au départ. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça aussi, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est bien comme synthèse, ça te va, Linda ? C'est très bien, je te remercie, Teddy. Ouais. Allez, c'est tout pour moi. Alors, je lâche pas le micro, mais vas-y. Déjà, je voulais vous remercier pour ce soir. C'était très agréable d'être en votre compagnie. Oh, c'est merci mignon. À vous tous. Malgré ta vieillesse inhérente. Je n'entends pas. Moi, j'ai des choses bien plus belles à annoncer. On se retrouve bientôt. Encore ? Ouais. Ah ouais. Il paraît que le 13 décembre, on a une superbe émission à partir de 20h. La spéciale Noël. Oh ! Ah ouais, André, t'as hâte. Tu t'en serais pas douté, tiens, 13 décembre, ça va. J'ai hâte. On va mettre un extrait de Mariah Carey ou pas? Ah ouais. Oh, et tu sais qu'il y a des années, on avait chanté mais sur oui. Mariah Carey. J'ai essayé. C'était un échec. Il avait essayé quoi. On mettra pas Mariah Carey cette année. On pourra mettre Petit Papa Noël. On fera plein de belles choses en tout cas. Petit Papa Noël. Donc on vous invite à venir avec nous, enfin en tout cas nous suivre. Peut-être que vous pourrez nous appeler à cette période-là. Oui, bah alors déjà, on va remettre en route le téléphone. Mais si vous êtes dans le coin, si vous êtes en région Centre-Val de Loire, pas très très loin d'Amboise, que vous pouvez vous déplacer, le 13 décembre, prenez rendez-vous. Vous serez les bienvenus, évidemment, au studio. Ça sera à partir de 20h. Sauf si vous êtes manager. Oh, t'aurais pas le temps. Arrête, arrête avec les si le 13 décembre, on a. Tout le monde est le bienvenu. On peut se libérer. Ouais. Il y aura peut-être, je sais pas, il y aura peut-être des surprises. Sur Manager. Non, mais à Indestar, il y a toujours aussi des surprises. Il y aura une déco de Noël, voilà, vous pourrez suivre sur chat, vous pourrez commenter. En général. Un gros bisou à Joe qui nous a écoutés ce soir et vous êtes nombreux à nous écouter, donc on vous fait des bisous à tous. Juste, je rajoute, il y a toujours le Père Noël qui passe chez Indestar. C'est vrai que jusqu'à maintenant, à chaque fois, il se libère toujours un temps. Pourtant, c'est la période où il pourrait être en burn-out. Si c'était une mère Noël cette année. On a vu la mère Noël l'année dernière, on avait le Père Noël et la mère Noël qui était venue. On parle pas assez de la charge mentale du Père Noël. Bah, c'est vrai. Ouais. Hein. Ça, c'est un débat qu'on pourrait ouvrir. Qu'elle est sous-côté. On pourrait mixer les deux, tu sais, t'as Noël et. T'es obligé de te déguiser en Père Noël, quoi, mettre une vieille barbe blanche alors que t'as déjà du mal à avoir une barbe. Attends, attention, il y a peut-être des enfants qui écoutent. Oh là là. Pour un papa quand même. Là, on parle des faux Père Noël qui viennent dans les magasins et qui sont. Voilà, il y en a trop des Père Noël. Je suis désolé, Léa, j'ai cassé ton mythe. Non. Léa a quand même fait sa lettre au Père Noël quand même. Ouais, mais non. Oui, même à 16 ans, mais oui. Mais oui, on l'a fait tous notre lettre au Père Noël. Et puis en vrai, quand moi, ma plus belle lettre que je fais, c'est d'être auprès de vous. Ah, oh, c'est trop gentil, merci beaucoup. Et ça, c'est un de mes plus beaux cadeaux de Noël aujourd'hui que j'ai eu là. Et ben, avant l'arbre de Noël. Et je peux vous le dire sincèrement, merci encore. Merci beaucoup. Bravo. Également. Je cherchais à rebondir, mais je peux pas rebondir. Ah, mais là, ça, on peut pas. C'est beau, c'est propre. Joe a dit que c'était très sympa et nous souhaite une belle soirée. Belle soirée. Joe est. Parle sous la menace. Merci Joe. Attention, pression psychologique. Bon, écoutez charge de mentale. La musique et on va se détendre parce que c'est la clé de tout ça. La détente avec de la musique parce que la musique ça détend. Ça fait du bien. Hein, ça fait du bien. On va écouter quoi, Teddy? Alors c'est à moi que tu demandes en plus. Alors c'est facile. Sois belle et tais-toi. Français, s'il te plaît. Sois belle et tais-toi. Alors super pour la charge mentale. C'était fait exprès. Et ben on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.